Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Je fais les petits rappels habituels, donc je rappelle que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle. Et puis il y a un canal Telegram qui nous fait le plaisir de nous partager, toujours à l'adresse Oremus officielle. On va commencer une émission spéciale, on va parler un peu du national-socialisme. Je vais commencer par la présentation de nos invités d'abord. Alors, Belloc, bonjour, comment ça va? Très bien, Bobby, mais écoutez, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Tout va bien. Bonjour à tous, à tous les camarades, à tous nos auditeurs, à notre cher invité, Monsieur l'Abbé. Prêt pour une émission qui promet d'être très intéressante. Elzinko est avec nous aussi. Elzinko, comment ça va? Je te salue, Bobby. Ça va très bien. Je salue aussi les autres participants et en particulier Monsieur l'Abbé du Tail, c'est comme ça qu'on prononce, qui nous fait l'honneur de venir avec nous aujourd'hui. Je suis aussi excité d'y participer. Et tu salues Mario aussi. Rex aussi est avec nous. Rex, comment ça va? Ça va très bien. Ave Bobby, ave à tous. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, comme disait Belloc, car la vérité rend libre, comme le travail selon certains. Et puis donc, vous m'avez spoilé, puisque vous avez déjà vu la miniature de cette vidéo, donc vous savez que nous avons un invité spécial, et les chroniqueurs ici présents l'ont annoncé, donc j'accueille Monsieur l'Abbé Dutail. Bonsoir Monsieur l'Abbé, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, ça va. Très honoré d'être ensemble dans cette émission. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Pour parler, on va parler un peu du national-socialisme et surtout de votre livre. Donc nous sommes ici pour parler du livre de Monsieur l'Abbé Dutail qui s'intitule « National-socialisme et catholicisme, l'impossible conciliation, point d'interrogation ». Je pense qu'on va parler beaucoup du point d'interrogation dans cette émission. Un livre qui est disponible aux éditions Saint-Barthélemy, donc éditionssaintbarthélemy.fr. On mettra le lien en description. Alors pour l'instant, il est disponible en précommande, mais on va dire qu'il sera en commande complète dans ce mois de mai. Un livre qui essaye finalement de poser la question « Est-ce qu'il est possible de parler de national-socialisme et catholicisme ?» dans la même doctrine, et de concilier les deux. Donc forcément, si vous écoutez Oremus, vous savez que c'est un sujet qui nous intéresse, et donc, puisque quelqu'un a écrit un livre dessus, allons-y. Hein. Moi, je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français, allons-y, quoi. Je peux déjà commencer par une petite question pour Monsieur l'Abbé. En fait, qu'est-ce qui vous a motivé, finalement, à écrire ce livre parce que le sujet est un peu explosif, on va dire. Faites très attention avec l'histoire. J'ai vu qu'il y avait des jeunes. Faites attention, les jeunes. L'histoire, c'est casse-gueule. Moi, j'ai un pote, 80 piges, le mec, il s'est fait baiser, hein. Il s'est fait couillonner. Hein. Ah, il a perdu lourd, il a tout perdu. Hein. Lui, il s'est mis dans la recherche historique. Ça, c'est le truc, c'est le hors-piste. Là, le gars, l'histoire, tu la prends, tu la bouffes, hein, et tu fermes ta gueule. L'autre, il est parti tout chou, se sent le bonnet, imagine. Première bosse, il s'est mangé un sapin, c'est clair. Attends. L'autre, il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale, la zone interdite. Personne n'a le droit d'y aller. Hein. Ouais, il a rencontré un ancien mec qui était dans les camps de concentration, qui est venu et lui a dit « ça s'est pas passé comme ça ». Ah, j'ai dit « t'es malade, c'est des gens, faut pas leur parler ». Il m'a dit « c'est vrai ». Il le savait, hein, il a dit « j'ai fait le con, la curiosité ». Tu sais, il était là « non, non, arrête, quoi, non, hein, quoi ? Ah, vas-y, bon, après... » Eh bien, justement, c'est parce que le sujet est un peu explosif, comme vous dites, que je l'ai écrit. Parce que, en fait, j'ai écrit le livre que j'aurais beaucoup aimé trouver. De base, je n'ai pas d'attirance spéciale pour écrire des choses moi-même ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de narcissisme spécial. Enfin, voilà. Si je vois quelque chose d'écrit qui me semble très bien, je n'ai pas besoin d'ajouter mon nom dessus. Simplement, là, je ne trouvais pas le livre que je cherchais. J'ai trouvé au contraire plein d'informations néanmoins sur ce sujet à droite à gauche. Donc, je me suis dit que ce serait bien, enfin, ce serait même d'utilité publique, de synthétiser tout ce que j'avais pu rassembler sur ce sujet durant des années, de mes recherches, de mes différentes choses auxquelles je m'étais intéressé, etc., d'essayer de synthétiser ça de manière abordable pour que un jeune militant qui arrive puisse se trouver avec une synthèse complète là-dessus, puisse savoir quoi penser là-dessus. En fait, vraiment la chose que j'aurais aimé, moi, trouver en tant que, quand j'étais jeune militant. Enfin, voilà, c'était vraiment ça. Et qui s'adresse maintenant, bien sûr, à n'importe quel fidèle, curieux intellectuellement, qui est abreuvé, que ce soit dans les médias ou même, malheureusement, même dans les chapelles traditionnalistes, de l'espèce de version anti-nazi obligatoire. Là, au contraire, de voir quelque chose de net, de nuancé, de concret, de vrai sur ce qui s'est réellement passé, où c'est pas pour se dédouaner, c'est pas pour se défendre d'accusations soi-disant infamantes, mais vraiment pour voir la vérité telle qu'elle est. En fait, c'est vraiment ça mon objectif, c'est de pouvoir éclairer les gens sur ce qui s'est réellement passé et ce qu'un catholique doit réellement penser de ça, en tant que catholique, pas en tant que mondain ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas spécialement sur la défensive, en fait. Vous voulez voir les choses telles qu'elles sont réellement et sans s'excuser, quoi. Oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Si j'ai un portrait dans mon salon de Simone Veil, t'imagines bien que c'est pas pour l'esthétique, hein. Non, moi, je ne m'excuse de rien du tout. Au contraire, plus ça déplaît au système, plus je suis content. Et étant donné qu'on... Alors, vous dites que c'est un livre qui a manqué, selon vous, que vous auriez aimé trouver, qui se destine principalement aux militants et aux Français catholiques. Étant donné qu'on commence tous dans cette société par un formatage vis-à-vis du fascisme et du national-socialisme, qui se trouve autant dans la société... là, dans la République bien pensante, que dans la tradition bien pensante aussi, d'une certaine façon. Moi, je serais curieux du premier contact. Alors oui, c'est une question qui est très, très pertinente, parce que, effectivement, on a tous subi ce formatage de toute manière, que ce soit... Moi, j'ai fait l'école publique, je suis un converti, je suis d'une famille pas du tout pratiquante, donc j'ai fait toute ma scolarité dans l'enseignement public. Donc j'ai eu le formatage habituel, que je pense qu'on a tous subi, sur la Shoah, les machins, enfin, l'antinazisme obligatoire, etc. Pendant quelques années, il ne se passa pas grand-chose, jusqu'à la grande affaire. Dreyfus, un grand héros, se heurta à la plus morose vindicte populaire. Puis, comble de malchance, les nazis prirent le pouvoir en massacrant mes frères. Gardez bien, mes enfants, le mot Shoah en vos mémoires, et la leçon sera entière. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. J'ai commencé à m'intéresser au problème des chambres à gaz vers 1960. Totalement par hasard, en tombant sur des documents sur le régime de Vichy, et j'ai commencé à m'intéresser donc à Vichy, d'abord, dans une perspective anti-nazie, c'est-à-dire que perspective au début que j'avais, j'ai été rapidement séduit par Vichy et ces choses-là, par la Révolution nationale, et au début j'étais vraiment dans une perspective qu'on pourrait dire vichisto-résistante. Vichy c'est gentil, mais les nazis c'était méchant, et donc il fallait essayer de défendre le gentil Vichy face aux méchants nazis. C'est pas grave, je vois qu'il y a des gentils nazis. Puis la perspective un peu commune dans le milieu traditionnaliste, en fait la plupart, la dominante dans le milieu traditionaliste est de cette tendance-là. Je me suis converti en plus à la même période, donc ça correspondait assez bien à ce que je trouvais à droite à gauche. Ensuite, il y a eu différents événements, même extérieurs, comme dirait Lénine, les fesses sont putues. Et c'est des événements, différents événements extérieurs qui m'ont poussé à me poser différentes questions sur une certaine communauté, sur certains événements contemporains. Et je me suis de plus en plus demandé comment ça se fait que dès que des gens posaient la question là-dessus, ils finissaient en prison. Quels événements vous parlez ? Ah, vous savez bien. Ceux dont on a pas mal parlé, justement. D'accord, je parlais des événements contemporains, je sais pas, en septembre. C'est très contemporain, hein, les Inco. Les abat-jour en peau humaine, etc. Voilà. C'est... non. Et ça va voilà. Les saucissons aussi. C'est très contemporain parce que justement, l'extradition tout à fait ignoble de Vincent Renoir qui l'a subi cette année nous prouve que, en fait, on a fini la Seconde Guerre mondiale, on a fini toutes ces histoires depuis quand même pas mal de décennies. Et non, actuellement, on va dire, le camp national est toujours persécuté parce qu'on ne peut pas parler pleinement, de manière totalement ouverte, de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, si ça tombe, il y a tout qui tombe. De toute façon, c'est un des rares événements historiques, de toute façon, où plus on est éloigné dans le temps, plus c'est intense. C'est tout le contraire d'autres faits historiques, en fait. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là, mon général. Honte. Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Oui, ça a commencé dans les années 70, en fait. Enfin, ils parlaient pas vraiment. Enfin, ils en parlaient un petit peu des chambres à gaz et de la Shoah, mais c'est devenu quelque chose un certain nombre d'années après la guerre. Je vous relance, monsieur l'abbé, mais oui, en fait, il y a eu une libération de la parole dans les années 50, et en même temps, il n'y avait pas eu d'anti-loi, même si Nuremberg y était passé, il n'y avait pas eu la loi anti-Forisson, qui s'appelle la loi Fabius-Guesso, avant qu'il y ait vraiment une négation beaucoup plus frontale développée, etc. Quoi. Il faut noter qu'au début, le sujet des chambres à gaz n'était pas le centre. C'est-à-dire que Bardèche ne parle pas beaucoup des chambres à gaz, Racinier un peu. En fait, c'est vraiment Robert Forisson qui va mettre l'accent sur les chambres à gaz. Et c'est là où ça va le plus tiquer. Au début, c'était plus une remise en cause générale de la manière manichéenne de présenter l'histoire. C'est surtout ça qu'on lit, notamment avec Maurice Bardèche. La visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles, assez vite. Moi, j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors, je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émission de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là, je dis, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique qu'aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi, parfois, l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà. Avant, on était moins sur les détails techniques. Ensuite, il y a eu une sorte de centralisation, de focalisation sur le côté technique des chambres à gaz. Dans les années 80, on est encore à une période un peu spéciale, où on voit des débats avec Robert Forisson, Maurice Bardèche, etc., qui sont sur les grandes chaînes. Et c'est là où il y a la première loi anti-révisionniste en Allemagne en 1985. La France va succéder ensuite en 1990, Israël évidemment, bon, je ne sais pas si chez eux ça fait beaucoup de débats, mais bon, voilà, il va y avoir vraiment une réaction assez tardive en fait, parce que c'est pas, on est 40 ans, 45 ans après la fin de la guerre. Jusque-là, on avait même une partie de l'extrême gauche, je me souviens notamment que le frère de Daniel Cohn-Bendit avait lui-même remis en cause les chambres à gaz ou des choses comme ça. Enfin, il y a une partie de l'extrême gauche qui même remet en cause la version officielle de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ça paraît la version gaulliste, la version limite le roman national. Enfin, d'un point de vue gauchiste, même, ça les choque un peu. Et là, c'est là où il va y avoir aussi, c'est la naissance de l'antiracisme dans les années 80. On a SOS Racisme, on a tout ça, on a toute la manœuvre de Mitterrand vis-à-vis du FN. Et là, on a justement la fabrication d'antiracisme officiel. Il a la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le révisionnisme se greffe sur l'antiracisme officiel, sur la diabolisation du Front National, en tout cas pour ce qui est de la France. Et là, on sent qu'on a une sacralisation de toute cette période. Et qui s'est vu encore, mais même il y a quelques années, quand Emmanuel Macron finit en deuxième tour face à Marine Le Pen, qui est quand même très loin d'être une national-socialiste, hein, et bien il va où ? Il va au Radour-sur-Glane pour rappeler l'extrême droite, jusqu'où ça a mené, machin, bidule. On voit bien que là, à partir des années 80, on a un basculement du fait d'un enjeu, d'une récupération totalement politique de cette période. Et là, c'est plus possible. Là, plus rien n'est possible, on ne peut rien dire, etc. Jusqu'aux années 80, donc ça se compte vraiment dans les années 50, mais encore dans les années 60, 70, etc., on peut avoir un peu de liberté d'expression là-dessus. Dans une certaine mesure, hein, mais vraiment un peu. Mais partir des années 80, c'est vraiment lié à l'antiracisme institutionnel. C'est ça la différence. C'est ce que le virtuose du logo s'appelle le shoatisme, et c'est vrai que ça commence à pleine force dans les années 80. Et on remarque qu'avant, c'est pas spécialement que des gros fachos, des gros nationaux. Bon, bien sûr, il y a Maurice Bardèche qui a été cité, ou Pierre Sidos, par exemple. Mais finalement, l'édition La Vieille Taupe, tout ce qui tournait autour de Robert Fourisson, c'était beaucoup des anarchistes, quoi. Et même Paul Racinier, je crois que c'est un ancien communiste, donc, voire même communiste non renié. Donc c'est vrai que ça venait d'un petit peu de divers milieux, mais pas conformiste par contre, pas régimiste. D'accord, mais donc pour revenir à votre propre cheminement, votre déformatage entre guillemets, il a été lié, j'imagine, à être une revue historique de la Ve République ou de l'histoire de France, enfin, je ne sais pas, vous avez vu ce développement, cette sacralisation. Alors, je ne sais pas comment vous l'interprétez, d'ailleurs, ce virage sacralisant dans les années 80. Mais ensuite, donc, comment cette prise de conscience s'est-elle développée jusqu'à en venir à cette question de la compatibilité du fascisme et du catholicisme ? Alors déjà, je me suis intéressé au parallèle. J'ai commencé par m'intéresser à Vichy. Ensuite, il y a eu la question du révisionnisme, etc. Je me suis beaucoup intéressé ensuite à la collaboration. Ça reste l'un de mes sujets qui me passionne le plus, la collaboration en France spécifiquement, mais même plus largement, les mouvements de collaboration, à la Belgique française, au Parti populaire français, à tout ce moment-là. Chez nous, pendant la guerre, on a donné des juifs, mais on n'a jamais donné les bons coins à champignons. Et j'ai été assez frappé aussi, en tant que moi j'étais jeune converti, quand j'ai vu la milice française, pour moi, à la base, j'avais l'image, c'était une poignée de traîtres, délateurs, des gens qui venaient des bas milieux, etc. Et puis, j'ai découvert la milice française avec des gens qui étaient on ne peut plus respectables, des gens au-dessus des patriotes multidécorés, des catholiques très édifiants, enfin, certains seraient mûrs pour la canonisation. Et là, c'était aussi le mur du mensonge qui se brisait devant la réalité, quoi. Et en voyant ça, oui, j'ai vu que la manière dont on nous présentait les choses était totalement fausse. J'ai vu aussi les crimes de la résistance aussi. J'ai vu la vraie visage de la résistance. En fait, c'est beaucoup cet intérêt pour cette période-là de l'histoire de France, d'un point de vue assez franco-français, on va dire, qui m'a ouvert sur tout le reste. Ensuite, je me suis intéressé aussi à ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe, en Allemagne, etc. Mais d'abord, je veux dire que j'avais un point de vue assez franco-français. C'est par ricochet, en quelque sorte, en voyant avec qui se sont alliés les gens que j'ai étudiés, spécifiquement en Allemagne, que je me suis intéressé justement à ce qui s'était passé sous le Troisième Reich. Durant longtemps, d'ailleurs, durant quelques années, j'étais très bien informé sur la collaboration, etc. Mais j'étais très ignorant sur le Troisième Reich. Enfin, je ne connaissais vraiment pas grand-chose là-dessus. Là-dessus, j'ai beaucoup appris grâce à Vincent Renoir. Je dois reconnaître, on peut le critiquer sur beaucoup de points, notamment sur la question religieuse ou sur des questions idéologiques, etc. Moi, personnellement, c'est à Vincent Renoir que je dois beaucoup d'explications sur cette période-là, sur le révisionnisme, sur le Troisième Reich, etc. Il m'a appris énormément de choses. Et ensuite, j'ai approfondi évidemment par moi-même, j'ai trouvé d'autres sources, et ça a permis de me forger un peu une vision approfondi à côté, parce que à côté j'ai approfondi moi-même la doctrine catholique, je me suis formé, je suis entré au séminaire entre-temps, enfin voilà. Est-ce que dans votre esprit, parce qu'il y a eu aussi ce processus de découverte de la vérité dans la sphère religieuse, vu que vous êtes converti, comme vous l'avez dit, est-ce que dans votre esprit cette quête de vérité était quelque part une, c'est-à-dire dans le prolongement de cette découverte de l'existence de Dieu et de la vérité de l'Église catholique, est-ce que ce serait comme le prolongement de cette soif de vérité qui aurait pénétré ensuite dans l'ordre naturel et dans l'histoire ? Est-ce que vous l'avez ressenti comme une chose reliée d'une façon ou d'une autre à cette première quête ou quelque chose de séparé ou de... Alors totalement, totalement. C'est totalement relié dans le sens où la vérité, il y a la vérité religieuse évidemment, qui est la plus importante, c'est celle qui fait notre salut, etc. On ne sera pas jugé au jugement particulier spécialement sur ce qu'on pense des chambres à gaz, hein. Ça je ne vous apprends rien. Mais voilà, c'est relié à ça, c'est-à-dire que quand on comprend qu'il y a une vérité et qu'il y a l'erreur, on n'est pas ensuite relativiste à se dire que voilà, moi je pense ça, le voisin pense autre chose, et puis le voisin il pense encore ailleurs et tout va bien et tout le monde est content. Non, la doctrine sociale de l'Église, traditionnelle bien entendu, découle logiquement de la doctrine de l'Église. Quand on est catholique, on ne peut pas soutenir n'importe quoi au niveau politique. Quand on est catholique, on ne peut pas être communiste, on ne peut pas être libéral, on ne peut pas être socialiste, socialiste dans le sens marxiste du terme. Enfin voilà, il y a toute une série de conséquences qui vont là-dedans. De même, quand on est catholique, on comprend qu'il y a des ennemis de l'Église, on comprend qu'il y a la franc-maçonnerie, on comprend qu'il y a une certaine communauté organisée. Il a dit oui, le communautarisme, il a désigné le CRIF, le Conseil représentatif des institutions. Mais Il n'y a pas aucun communautarisme juif. On comprend qu'il y a un affrontement entre le bien et le mal, entre l'Église et la contre-Église, entre la France et l'anti-France. Et c'est à partir de cela qu'ensuite, on apprend à comprendre le monde et à lire d'une autre manière. Parce qu'avant, quand on est un peu le gars lambda, le normiste qui voit les choses de manière toute neutre, on voit voilà, le candidat à la présidentielle, il a une belle mine et puis on va voter pour lui. En fait, quand on est catholique, on lit autrement, on a une autre grille de lecture. On voit les positions qu'il tient, on voit qui le soutient, on arrive à comprendre les soubassements, ce qu'il y a derrière. Les juifs. Pour revenir un petit peu sur cette excuse après-guerre, je pense que comme les prélats ont été en bonne partie du côté de ces régimes-là, qui ont fait des concordats, y compris pour Vichy par exemple, pour parler du cas français, quelqu'un comme l'abbé Georges de Nantes, après-guerre, il est un peu, Vatican II un petit peu en préparation, il est un petit peu mis de côté parce qu'il a un mode de pensée trop réactionnaire en faveur de l'Algérie française, du régime de Vichy, du fascisme italien, des choses comme ça. Et donc j'ai l'impression que le progressisme aussi, c'est un peu renforcé de cette victoire dite alliée de 1945 avec le retour des loges maçonniques, etc., où finalement il n'y avait plus rien pour faire face à ce progressisme et les prélats eux-mêmes... Voilà, pour s'excuser un petit peu, ils sont allés complètement de l'autre côté, quoi. Ils ont basculé. Alors oui, exactement. Dans le cas français, il y a le contexte spécial qui remonte avant la Seconde Guerre mondiale de la condamnation de l'Action française. C'est vraiment le moment là où on substitue à un épiscopat dont le but sous Saint-Pie X est d'être un épiscopat de combat contre la laïcisation, etc. Sous Pie XI, surtout à partir de 1926, le principal critère des évêques, c'est très éloigné de l'Action française, mais qu'il ait le moins possible de rapport avec l'Action française. Et donc, on assiste à la nomination d'un épiscopat démocrate chrétien et l'épiscopat français qui fera le Concile Vatican II, d'ailleurs. Quelqu'un comme le cardinal Liénard, qui a un grand rôle dès le début du Concile Vatican II, était un pur produit de cette période-là. Et tous les épiscopats français de Vatican II sont des évêques, ce qui était archevêques et cardinaux au moment du concile, sont des évêques nommés sous Pie XI au moment de la condamnation de l'Action française. Ensuite, à partir de 1942, ces gens-là vont prendre du recul, on va dire. Beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Et à partir de 1944, ces gens-là devront donner des gages pour faire oublier aussi ce qu'ils ont pensé entre 1940 et 1942. Et ça va aussi beaucoup jouer. C'est-à-dire que ces gens-là vont être perpétuellement dans la surenchère démocrate chrétienne pour bien être sur le courant MRP de la 4e République, puis ensuite gaulliste sous la 5e République. Le cardinal Liénard, qui est d'ailleurs le consécrateur de Monseigneur Lefebvre, et bon, le monde tradit étant petit, même d'un des faux papes, la Michel Collin, je ne sais plus comment il s'était fait appeler, Pierre II ou l'un d'eux. C'est ce même cardinal Liénard dont on accuse d'être franc-maçon, peut-être plus ou moins vrai. En tout cas, il avait le mode de pensée, c'est sûr. Peut-être pas d'appartenance structurelle, mais lui avait basculé franchement moderniste. En fait. Alors oui, je connais pas le Pierre II en question. Je sais pour Monseigneur Lefebvre, oui. Je crois que c'est Clément XV de Michel Collin, c'est ça peut-être. Ah, pas bête. Lefebvre, lui, c'est sûr qu'il a été ordonné prêtre par Monseigneur Liénard quand il était encore évêque de Lille. Et il a été ordonné archevêque, consacré archevêque. Je crois que Liénard était déjà cardinal. Mais oui, ces deux consécrations étaient faites par Liénard. Que Liénard est franc-maçon, ça n'a jamais été prouvé, mais c'est possible dans l'absolu. Enfin, moi, ça ne va pas me surprendre outre mesure. Voilà, ensuite, ça n'aurait pas été malheureusement ni le premier ni le dernier. Mais ensuite, jusqu'où est allié Liénard, c'est assez intéressant parce que Liénard, je pense qu'aujourd'hui, serait classé dans les conservateurs. Pour les modernistes. Il fait partie de ces modernistes qu'on fait le concile, et ensuite, peu avant sa mort, il était en train de se dire, je ne sais plus quelle année il est mort, mais peu avant sa mort, il était en train de se dire quand même, l'Église est en sale état, enfin, c'est plus trop l'Église que j'ai connue. Oui, bon, enfin, c'est un peu un repentir un peu tardif, quand c'est lui qui a été largement à l'œuvre derrière toute cette décrépitude. Mais bon, voilà, c'est typique de ces gens-là qui mettent tout le bazar partout, et puis ensuite se plaignent du résultat que ça fait. Mais bon. Valéry Giscard d'Estaing, pareil, un peu avant de mourir à la télévision, il balançait sur le libre-échange sans contrôle, alors que Il est un des gros artisans de cela, quoi. Oui, comme sur l'immigration, etc., là où il a dit après coup que ce qu'il a fait, c'était... Enfin voilà, c'est typique, c'est droitard en général, ces bourgeois de droite qui sont complices de toutes ces choses-là et qui ensuite se plaignent, oh là là, après, oh, ça va mal. Ben, c'est exactement comme le pape Paul VI lui-même qui a le pontificat le plus catastrophique de toute l'histoire de l'Église et qui ensuite dit, oh là là, les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. Ah ben oui, on se demande par quelle fenêtre les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. Ben, il parle aussi qu'il a fait, qu'il a dirigé, qu'il a conclu, qu'il a soutenu, qu'il a promulgué, enfin bon, par son œuvre, quoi. À force de réfléchir à l'émergence de la crise du monde moderne, autant sur le plan politique depuis 1789, donc l'émergence du subjectivisme, de la démocratie, que dans l'Église, l'émergence du modernisme, ces catastrophes, j'ai commencé à me poser la question, bon, ben, 1789, c'est quelque chose qui est né dans la société d'Ancien Régime. Donc, si je me place du point de vue de la société d'Ancien Régime, j'ai envie de faire ma propre critique pour essayer de comprendre quelles auraient pu être mes responsabilités et mes fautes. Et de même, dans l'émergence du catholicisme libéral, quelles fautes auraient pu être commises par la tendance les ultramontains, par exemple, à l'époque, les ultra-royalistes. Et j'ai posé ces, de manière un peu discrète, mais pour jauger un petit peu ce que pensaient des traditionalistes et des prêtres aussi. Alors je leur pose la question, d'après vous, d'où est venu le libéralisme, le catholicisme libéral, comme des gens comme Lamennais, etc. Et comment se fait-il alors que nous soyons, que l'Église, d'une certaine manière, je dirais, s'est trouvée lentement, mais sûrement pénétrée par toutes ces idées libérales? Comment cela peut-il se faire? Eh bien, par les moyens que les francs-maçons voulaient employer, c'est-à-dire pénétrons les séminaires, entrons dans les séminaires. Que ces idées, que nos idées pénètrent dans les séminaires. Et ces idées, en effet, ont pénétré dans les séminaires avant le Concile, déjà, les idées libérales. Et particulièrement, au moins dans les séminaires de France, par exemple, par les idées de Teilhard de Chardin. Et c'est des libelles circulaient dans les séminaires qui diffusaient ces idées. Et peu à peu, ce sont pas seulement les élèves, les étudiants, mais aussi les professeurs qui ont été atteints par ces idées. Et, disons-le franchement, des évêques. Voulez-vous, les évêques sont choisis parmi les prêtres qui ont été formés dans les séminaires. Peu à peu, ces idées libérales ont pénétré à l'intérieur de l'Église. Et quand le Concile s'est ouvert, il y avait dans le Concile une bonne partie des évêques qui étaient vraiment infesté par ces idées libérales. Alors que Lamennais, lui, était ultramontain à la base, hein, et en fait, il est passé d'un extrême à l'autre. Et toujours, ce qui me frappe, c'est l'absence d'examen de conscience. C'est l'invocation d'une cause extérieure en permanence. Et j'ai la conviction que dans ce défaut d'examen de conscience, et peut-être qu'il y a un grain d'orgueil dans ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avouer nos fautes, je vois l'une des principales causes de notre impéritie. Moi, je vous félicite pour votre cheminement, je trouve ça tout à fait admirable, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous êtes un converti. Et j'aimerais voir cette même amour désintéressé de la vérité dans nos rangs, de manière plus générale, et qu'on ne prenne pas pour argent comptant ce qu'on se raconte à nous-mêmes depuis tant d'années et ce qu'on nous raconte aussi. Il y a quelque chose d'assez frappant, évidemment, dès qu'on est dans les milites, dans les milieux nationalistes et qu'on est converti dans la tradition, c'est l'omniprésence des convertis dans les tradis militants. Ça, c'est sûr, une évidence. Surtout, je dirais, dans les mouvements classés, on va dire, pour reprendre le mot du système, à l'ultra-droite. C'est-à-dire que quand je me souviens qu'au Front National, par exemple, vous aviez un certain nombre de tradis d'origine, de tradis de famille, tradis, etc., dans des partis électoraux, quoi. Mais dès que vous allez dans des mouvements un peu trop sulfureux, un peu trop... Là, vous n'avez plus que des convertis. Vous n'avez quasiment plus de tradis d'origine. Il peut y avoir des exceptions, hein. J'ai quelques noms en tête, mais oui, il y a quand même des exceptions notables. Mais globalement, oui, dès qu'on est dans les mouvements classés ultra-droite, on va dire, c'est que des convertis. Mais dans les grands partis, dans les partis, oui, comme l'était le FN, bon, le RN peut-être un peu moins, mais quoique encore un peu, on peut trouver des tradis, de familles tradis, des tradis d'origine. C'est pour ça que je se nuancerais sur l'engagement des tradis. Mais oui, il y a toujours ce côté un peu, oui, on ne va pas trop dans les choses trop sulfureuses, trop anti-système. Et comment vous l'expliquez ? Le fait là, de centrer sa vie sur le travail et les familles, ce qui est déjà très bien, mais après, ouais, de se désintéresser de la politique, le souci, c'est que la politique finit par s'occuper de nous, quoi. Oui, justement, oui. En fait, c'est là où il y a la nuance, c'est qu'il n'y a pas vraiment, dans les milieux tradis, forcément, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, un désintérêt de la politique. C'est là où je nuancerais, parce que j'ai entendu dans votre dernière mission, il y a un intérêt souvent de la politique, simplement, il y a une sorte d'attirance pour les grands partis électoraux, il y a un côté aussi un peu qu'on peut expliquer avec bienveillance, du côté du bien commun, de la préoccupation que ça a des incidences concrètes, et ils voient moins d'incidences concrètes dans des collages et des bagarres de rue. Enfin, ce n'est pas la même culture, en fait. Il y a une culture, une culture assez bourgeoise, il faut reconnaître. Mais aussi, enfin, ça dépend comment on lit les choses. On peut voir ça de manière malveillante, en disant que c'est une culture bourgeoise et mondaine. On peut voir ça d'une manière bienveillante, en disant que c'est un souci du bien commun. Ensuite, chacun fait comme il veut. Souci du bien commun, là, je vous avoue que j'ai du mal à vous suivre. Si l'on regarde l'état actuel de notre pays, si on ose regarder son état, ce qui demande déjà un certain courage, on ne peut que envisager notre mort prochaine. Je voudrais revenir là-dessus, Lincoln, oui. Justement. Je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire, parce que si on fait écho justement à la dernière émission, eh bien, je pense que certains, pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je pense que certains tradis qui vivent justement dans des bulles, la fameuse bulle tradis où en fait on ne rencontre que d'autres tradis, se rend pas bien compte. Ou même ignore totalement ce que tu viens de dire. Parce que dans la tradition, par exemple, ça va exister à la marge, mais il n'y a pas d'immigration, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'africanisation dans la tradition. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup, des familles tradies, elles sont tous très, très blanches, quoi. Il n'y a pas de problème d'intégration, il n'y a pas de problème de violence, de sécurité, enfin, tout va bien, quoi. Et donc, quand tu vis dans une bulle où tout va bien tout le temps, toute ta vie, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas d'urgence. Mais qui t'a mis dans ta bulle ? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui t'es mis dans une bulle pour ne pas voir ? Comme un jeune homme va passer ses journées à jouer aux jeux vidéo pour ne pas voir qu'il est tout maigrichon et que tout le monde se moque de lui. Tu vois, une façon de fuir le caractère tragique de la réalité et l'urgence qui est associée. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. C'est qu'on ne peut plus du tout passer par ces partis traditionnels, démocratiques, le RN. C'est une impossibilité. Donc si on veut quand même tendre vers le bien commun, si on a quand même conscience que ce bien commun-là est notre raison d'être terrestre, il faut au moins envisager d'autres voies. Et donc des voies moins... la voie révolutionnaire, effectivement, qui est risquée. C'est ça aussi l'idée qu'il faut comprendre, qu'enseigne le fascisme aussi, c'est que c'est un devoir pour nous de nous sacrifier, s'il le faut, de donner notre vie pour la cité. Et c'est une image de ce qu'est la vie. Vivre, c'est se donner, c'est même la vie trinitaire, c'est un don, c'est le Père qui se donne au Fils, et tout ce qu'il y a sur la terre est une image de ce don. Alors, je rebondirai quand même sur quelque chose qui a été dit. Alors, je suis d'accord avec plein de choses, mais il y a quand même sur l'aspect bulle du milieu tradit. Alors, dans l'intention, c'est certain, notamment dans le milieu de la Fraternité Saint-Bénis, etc. Mais oui, ça, c'est sûr qu'il y a une intention un peu coupée. Enfin, la réalité étant ce qu'elle est, le monde étant ce qu'il est, pour bien voir dans les milieux traditionnels ce qui se passe, ils ne peuvent pas être totalement coupés de la réalité. On a dans des familles tout à fait traditionnalistes des gens qui ensuite deviennent transsexuels, qui s'épousent des immigrés, on a des choses totalement inappropriées, on va dire, qui se passent dans ces milieux-là. Voilà, c'est un fait. C'est des choses qui sont pas si exceptionnelles que ça. Sans parler de. Je suis assez choqué de ce que je viens d'entendre. Oui, je m'imaginais pas une telle chose. Ça puisse arriver, du moins dans le milieu tradit. Je vous assure que c'est des choses, je pourrais vous citer des noms. Quoi. Croyons, hein, bien sûr, mais c'est la première fois que j'entends ça. Ça arrive dans des milieux, Fras Saint-Pilis, hein, je ne parle même pas des milieux ralliés ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses qui malheureusement arrivent parce que si vous voulez, on ne peut pas vivre sur une île. On peut pas vivre sur une île déserte. Il y a forcément un moment, la société qui rattrape ce qu'elle veut rattraper. C'est-à-dire quelqu'un qui a passé toute sa scolarité, par exemple, dans les écoles de la Fraternité Saint-Pélice, à 18 ans, il se retrouve à l'université, il est plongé dans le monde moderne, avec des étudiants complètement décadents. Alors, des fois, il peut très bien se comporter, d'autres fois, ça part en vrille. Enfin, ça, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est même pas exceptionnel, quoi. C'est des choses qui arrivent régulièrement dans les familles de tradis d'origine. Donc, c'est aussi des choses où il faut relativiser. Il y a une volonté chez beaucoup de tradis de couper vis-à-vis du monde, mais en fait, le choc est d'autant plus important dans les familles qui veulent d'autant plus se couper. C'est-à-dire que plus la famille veut vraiment se couper du monde, et plus l'enfant, une fois qu'il est confronté tôt ou tard au monde, plus ça se passe mal. Ils l'ont pas prévenu, en fait. Ils l'ont pas formé à cela. C'est-à-dire qu'on met les enfants uniquement dans les chapelles, dans le MJCF et dans les écoles privées. C'est-à-dire qu'ils l'ont même pas, ils l'ont vraiment cantonné à part, et ils n'ont même pas un peu prévenu de certains risques extérieurs. Quoi. C'est comme si tu passes toutes tes journées dans une salle aseptisée, et après tu sors un beau jour après 20 ans, tu te fais tuer par tous les microbes. En fait, t'as pas tes défenses immunitaires. Donc il y a cet aspect-là, et il y a aussi l'aspect que l'homme est pour la société. Donc en fait, l'appel de la société est toujours très fort. Et malgré tout, même si on est dans nos mini-sociétés, dans nos mini-ghettos, la vraie société, entre guillemets, la grande société, c'est la nation, c'est la France. Donc ça, son appel est puissant, même s'il est plongé dans l'absurdité, dans la folie, surtout pour les femmes d'ailleurs, j'ai l'impression, on les a vues la dernière fois. Cuisine ! La meilleure défense, c'est l'attaque en fait. C'est comme quand il y a un juif qui vous accuse d'être antisémite, en fait, faut contre-attaquer tout de suite. Il faut lui dire oui, mais qui vous êtes, en fait, vous êtes un juif, c'est pour ça que vous me dites ça. Si vous faites simplement, vous essayez de vous défendre, d'être dans le négatif, vous finissez par vous faire ronger petit à petit. Quoi. Bien sûr, j'ai de la peine. C'est horrible. Enfin, on vous traite d'antisémite. Des trucs. Merde. Je suis pas antisémite, moi. Et que les fascistes ne sont pas là où on le pense, en réalité. Des méthodes antidémocratiques, des méthodes antirépublicaines, dont le but exclusif est de m'empêcher de m'adresser à nos compatriotes juifs, pour leur dire que le Front National, contrairement à ce qui leur a été dit, n'est ni antisémite, ni raciste, ni xénophobe. Nos compatriotes juifs n'ont rien à craindre du Front National, bien au contraire. Nous sommes un parti patriote qui acceptons en notre sein et qui défendons tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur confession et d'où qu'ils viennent. Ce qui peut rompre un siège, c'est la sortie offensive. De toute façon, on ne peut pas tout le temps rester à crever de faim entre des murs, hein, en fait. Oui, le fait de ne pas rompre en fait, cet équilibre entre nature et grâce. Finalement, on était un petit peu sur ce sujet-là, entre le naturalisme et le surnaturalisme. Il peut y avoir des termes équivoques. Mais en général, ce sont deux... Quand c'est dans un sens péjoratif, ce sont deux travers. On exagère trois, soit l'un, soit l'autre. Si c'est un franc-maçon du 19e siècle, il va exagérer le naturalisme contre la religion. Mais dans les deux cas, c'est un travers qui détruit et la surnature et la nature, puisque typiquement, celui qui croit au grand monarque, bizarrement, c'est très surnaturel comme croyance, mais c'est un chef temporel qui arrive et qui rétablit les droits de Dieu sur Terre. Alors, il y a un petit côté un peu vétérotestamentaire aussi dedans. Donc, on a des trucs un petit peu bizarres sur ces thèmes qui manquent d'équilibre, disons. Je pense que M. Labbé peut revenir dessus. Oui, alors, votre remarque est tout à fait judicieuse pour le grand monarque, etc. Je suis parfaitement d'accord. C'est des absurdités qui sont très courantes dans les milieux traditionnistes, notamment c'est des vacantistes, hein, on va vous jeter la pierre, mais c'est un fait. Voilà. Cette analyse, je tiens de l'abbé Bilcock d'ailleurs, le fait que surnaturalisme et naturalisme d'une certaine façon se rejoignent. Et les CD vacantistes, comme ils se sont bien centrés sur les thèmes clérical, etc., j'ai l'impression que le surnaturalisme est un petit peu plus développé en proportion, c'est une question de statistique et de sociologie après, mais que chez les tradis, il y a des chances. Ouais. Oui, tout comme d'ailleurs les erreurs, on va dire, du côté bourgeois mondain sont plus présentes du côté des rallyes que des sévagantistes. Enfin voilà, c'est logique. C'est-à-dire plus on va dans un sens, plus on a telle erreur, plus on va dans l'autre sens, plus on a telle erreur. Enfin là-dessus, pour être charitable et dire que tout le monde a ses erreurs, voilà, c'est vrai. En fait, chacun a sa tendance là où il penche naturellement, en fait. Quand on est plus à faire des concessions au monde, ou on est plus à partir des délires surnaturalistes. Voilà. Évidemment, de toute manière, ça c'est une évidence que personne ne remettra en cause. Enfin, n'importe quel catholique formé ne remettra pas en cause. C'est la question des rapports entre nature et grâce qui fait qu'on peut avoir une bonne politique ou une mauvaise politique. Une mauvaise politique, c'est une politique qui n'a une mauvaise conception du rapport entre nature et grâce. Une bonne politique, c'est celle qui a une bonne conception du rapport entre nature et grâce. Voilà, ça c'est certain, c'est la question de fond. Tout le reste se rattache à ça. Même les erreurs démocrates, chrétiennes, libérales, etc. se rattachent à ça. Tout, dans un sens ou dans l'autre, toutes les erreurs se rattachent à cela. La bonne conception entre nature et grâce n'arrive logiquement à une forme d'État, mais comme le disait d'ailleurs très bien Pierre Sidos, qui disait que le fascisme, c'était l'État temporel chrétien non clérical. Voilà, c'est exactement ça. C'est une version moderne de l'État temporel chrétien non clérical. C'est tout. Tout autour, tout le reste, ça tombe dans un sens ou dans l'autre. Alors voilà, là, je dis mon opinion personnelle, c'est pas des dogmes de foi, mais personnellement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sur l'État moderne, oui, soit on arrive à cela, soit on tombe dans des erreurs philosophiques. Mais il y a la question aussi de la finalité, c'est-à-dire que l'État, que la cité soit fin pour l'homme. C'est ce qui pose problème au surnaturaliste, c'est que pour lui, il n'y a qu'une seule fin qui est Dieu. Moi, j'ai entendu des fois dans des sermons récemment, ne vous intéressez pas au bien de la terre, mais surtout, n'en faites jamais un but. Comme d'habitude, il faut nuancer, c'est-à-dire qu'évidemment, le but de l'homme est le salut surnaturel. Le but de l'État est de garantir un bien commun pour favoriser. In fine, c'est pour favoriser le salut éternel des hommes. Ah oui, ça c'est pas pareil. Oui. Ça c'est parce que c'est vrai. Pas ce que dit Mérel, ça, ce que vous venez de dire, par exemple. C'est la doctrine catholique, c'est-à-dire que l'État, le but de l'État, c'est le bien commun. Ça c'est sûr, on est d'accord là-dessus. Le but du bien commun, mais ça c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, ce que dit Pion, ce que dit Pie XII, etc. C'est-à-dire que le but du bien commun, c'est d'avoir, on va dire, un milieu favorable pour que les hommes puissent vivre une vie vertueuse et ainsi sauver leur âme. Puisque faut oublier que nous sommes sur cette terre, nous ne faisons que passer sur cette terre, la vie sera la vie éternelle. Et donc, le but de la vie sur terre, c'est une sorte de temps d'épreuve pour pouvoir accéder à la vie surnaturelle. Donc évidemment, tout le reste, ce sont des outils. Mais du coup, c'est la personne se subordonne la cité dans ce que vous dites. Non, parce que... Le salut individuel, en tout cas du point de vue de son salut individuel, il se subordonne. C'est là où c'est nuancé. C'est-à-dire qu'il y a l'erreur personnaliste qui justement met la personne au-delà de la cité, et c'est l'erreur de Maritain, etc. Et c'est là où ensuite ça vire dans le libéralisme, le droit de l'hommisme, etc. Et là-dessus, je vous renvoie à Charles de Coninck sur la primauté du bien commun contre le personnalisme. Mais ensuite, il y a l'erreur inverse, qui est en fait l'erreur, mais qui arrive au communisme, et qui est l'erreur de certains fascistes ou de certains nationaux-socialistes. C'est-à-dire que l'État est en vue... C'est-à-dire que l'homme doit servir l'État, mais à la fin, l'État doit servir les hommes, non pas l'homme en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, le criminel qui commet un crime de sang, l'État a le droit de le tuer, évidemment. Parce que pour le bien commun, aussi bien pour la justice, etc., ça, là-dessus, je ne vais pas revenir dessus, pour le personnaliste, c'est scandaleux que l'État puisse revenir et puisse mettre en cause la vie humaine qui est forcément au-dessus de l'État. Et là, c'est là où le personnalisme dérive. C'est que le droit individuel devient supérieur au bien commun de la cité. Ensuite, ce que rappelle Pie XI dans Divini Redemptoris face au communisme, notamment, c'est que la cité est faite pour l'homme et non pour la cité. Et ça a été l'erreur de certains fascistes et nationaux-socialistes, notamment, de subordonner trop, en fait, de trop annihiler l'homme, de trop oublier l'homme. C'est-à-dire qu'il y a deux erreurs inverses. Comme d'habitude, le catholicisme fait un juste milieu entre deux erreurs inverses. L'erreur de mettre l'homme au-dessus de tout et l'erreur de mettre l'homme comme inexistant et on s'en fiche. Oui, mais entre Saint Thomas, Pie XI, qui dit ce que vous venez de dire, que l'État est pour l'homme, en gros, si j'ai compris, et ce que dit Saint Thomas, que l'individu est pour l'espèce, et l'espèce n'est pas pour l'individu, ça me semble deux affirmations qui se concilient difficilement. Alors, je n'ai pas la référence de Saint Thomas exactement, néanmoins, pour avoir quand même lu un peu Saint Thomas, etc., faut vous dire ce que Saint Thomas met en avant, mais comme d'ailleurs, enfin, si on se le dit ailleurs ou tout ça, enfin, c'est tout à fait la doctrine catholique, c'est l'importance dans la société parfaite pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas vivre tout seul, l'homme ne peut pas vivre comme un sauvage ou tout ça. Et donc, forcément, la cité peut nécessiter des sacrifices. Ça découle du quatrième commandement. Dans tous les catéchismes traditionnels, vous avez cela. Dans les quatrièmes commandements, il y a le fait que l'homme se sacrifie pour la cité. Ça, là aussi, c'est une hérésie, peut-être, pour un personnaliste ou tout ça, mais c'est la doctrine catholique. En revanche, In fine, si la cité fait le bien, c'est pas pour le plaisir de faire une jolie cité ici-bas. Enfin, on n'est pas dans un jeu vidéo. Le but, c'est quand même d'assurer aux hommes un bon cadre pour qu'ils soient sauvés. C'est ce que disait Saint-Vincent de Paul à Anne d'Autriche, quand il lui disait que sa conversion à elle valait plus que la conversion de milliers de pécheurs, parce qu'en tant que souveraine, elle avait un rôle clé à la tête d'un État. Je pense à cette phrase de Saint-Jean Eudes qui écrit à la reine de Pologne « Vous pouvez plus pour la cause catholique dans votre pays que tous les missionnaires et les prêtres réunis. » C'est un saint et un saint très contemplatif, si je puis dire, Saint-Jean Eudes qui écrit ça. Et je pense que c'est vrai, les catholiques ont déserté la politique. Moi, j'ai toujours été un grand ami de Monsieur Le Pen. Je ne m'en cache pas. Je le ferais encore si j'avais à le faire. Je suis encore son ami. Moi, je voyais, à chaque fois que j'enterrais quelqu'un du Front National, c'était évidemment à Saint-Nicolas du Chardonnay. Et ça ne me gênait pas du tout. Et au premier rang de la nef, il y avait Jean-Marie Le Pen et quelques membres de sa famille. Et Jean-Marie Le Pen chantait le Dies Irae, qui fait 20 et quelques versets, les mains dans le dos, par cœur, du début à la fin. Ben, je trouve ça très bien. Et que de l'État, enfin de l'ambiance spirituelle faite par la direction d'un État, peut découler le salut d'une multitude. Et il suffit de regarder autour de nous, de voir à quel point les gens sont naturellement des moutons, pour voir qu'en fait, il y a plein de gens qu'on voit aujourd'hui comme qui sont des décadents complets. Dans une société chrétienne, ils auraient été de bons catholiques. Enfin, même dans la Vendée de 1900, ils auraient été de bons catholiques sans poser de questions. Et là, comme ils sont dans une ambiance complètement antichrétienne, etc., ben, ils font n'importe quoi. Et c'est là où on voit l'importance. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. On peut aussi voir la chose de la façon suivante, c'est-à-dire que le bien commun est aussi le meilleur bien particulier, c'est-à-dire que la santé du corps est bien du cœur qui fait partie de ce corps. Alors après cette très longue introduction, je vais essayer de reprendre un fil conducteur pour bien sûr parler du livre de Monsieur Labbé, puisque c'est quand même notre sujet principal pour aujourd'hui. Et je vais commencer par poser, on va dire, une question peut-être historique, générale, à l'abbé Dutheil, pour savoir finalement, est-ce que vous pouvez nous... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qu'est par exemple le Kulturkampf. J'essaie de bien prononcer les mots en allemand aujourd'hui, ça va être compliqué. Durant cette manif pour la passion, nous devrons hurler les slogans. Donc, lorsque je crierai « Es ist fein zu zommer !» vous devrez répondre « Wir müssen die Juden ausrotten !» Qu'est-ce que ça signifie, Trésor ? Oh, je crois que c'est de l'araméen. Vous savez, comme dans les dialogues du film. Oh, de l'araméen, c'est souhaite. Ouais, c'est cool. Génial. C'est parfait. Fantastique. C'est quoi notre texte en araméen, déjà ? Wir müssen die Juden ausrotten. Wir müssen die Juden ausrotten. Es ist Zeit für Reich. Wir müssen die Juden ausrotten. Comme c'est amusant. Bah, allez, tout le monde, en avant, marche. Es ist Zeit für Reich. Wir müssen die Juden ausrotten. Es ist Zeit für Reich. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Kulturkampf et de quel pays en fait a hérité Adolf Hitler quand il a pris le pouvoir en 1933 d'un point de vue religieux? C'était quoi l'état finalement de l'Allemagne? Et après on parlera du Concordat et après on parlera de l'encyclique. Mais d'abord on va dire voilà, par quoi ça a commencé. Alors le Kulturkampf c'était la politique religieuse instaurée après l'unification allemande qui s'avait donc en 1871. Par le chancelier Otto von Bismarck, avec l'accord évidemment de l'empereur Guillaume Ier. Cette politique, donc dans un État qui, il faut rappeler, était majoritairement deux tiers protestant, était une sorte de mise au pas de la minorité catholique, qui était alors donc majoritaire en Rhénanie, en Bavière, donc dans des régions qui ne faisaient pas partie de la Prusse historique, mais qui, par l'unification, se retrouvaient un peu sous leur domination. Bon, la Rhénanie était déjà sous domination prussienne depuis 1815, et d'ailleurs, il y avait déjà eu des problèmes entre la domination protestante et la minorité catholique dans les années 1830-1840. Mais bon, voilà, donc, pour faire simple, avec l'unification, ces problèmes, il y avait encore plus de catholiques, et donc il y avait encore plus de problèmes pour les protestants. Le but de Bismarck était donc de mettre au pas la minorité catholique. Donc il y a eu une crise évidemment diplomatique avec le Saint-Siège, il y a eu plusieurs évêques qui ont été emprisonnés, des congrégations expulsées, l'enseignement laïcisé, enfin une version un peu dure de ce que nous on a connu en France dans les années 1880 ou les années 1900, mais encore plus dure parce qu'on n'a pas eu d'évêques emprisonnés nous. Voilà, c'était une période de politique anticléricale dure mais qui a en fait échoué. Elle a soudé complètement la minorité catholique entre elles. C'était la création du parti, le Zentrum, donc le centre en allemand. Pourquoi le centre ? Parce que tout simplement, la droite était dominée par les protestants, la gauche était libérale, puis rapidement socialiste, et donc les catholiques, persécutés par la droite protestante comme par la gauche anticléricale, étaient bien forcés d'être autonomes eux-mêmes. L'avantage, c'est qu'ils avaient des populations entières derrière eux. Donc notamment au niveau social, c'était l'un des partis allemands les plus variés sociologiquement. Ils avaient des paysans, des ouvriers, des bourgeois. Pourquoi ? Parce que c'était la seule appartenance au catholicisme qui les faisait adhérer à ce parti. Ça fait l'un des partis les plus puissants de l'Allemagne entre 1870 et 1933. Un parti vraiment clé de la politique allemande, qui d'ailleurs a réussi à vaincre, en fait, en quelque sorte, Bismarck, qui n'était quand même pas rien, parce que c'était quand même pas un rigolo. Mais voilà, il y a eu une sorte de bras de fer entre la minorité catholique et Bismarck. Et finalement, c'est Bismarck qui a dû faire des compromis. Alors que ce n'était pas franchement l'homme le plus à même de faire des compromis. Enfin, là-bas, c'est quand même celui qu'on appelle le chancelier de fer et tout ça. Enfin, c'était quelqu'un de très, très dur, de très intelligent. Voilà, lui-même a été cédé et a dû un peu aller à Canossa, quoi. Donc, c'était une grande victoire de la minorité catholique allemande, qui ensuite, sous l'empereur Guillaume II, a participé à plusieurs majorités gouvernementales, était vraiment devenu un parti, donc d'un parti d'opposition, devenu un parti institutionnel. Et donc les catholiques allemands ont même eu une sorte de promotion par cette persécution, par l'échec de cette persécution. Donc ensuite, malgré tout, c'est resté une sorte de traumatisme pour les catholiques allemands. Ça a eu un double effet. D'un côté, ça a fait une minorité forte, soudée, unie dans un seul parti. De l'autre, ça a fait cette espèce de complexe d'infériorité, cette espèce de, oui, ce mauvais souvenir, ce traumatisme qui s'est fait pour eux. L'effet pervers de tout ça, ça a été ce que les nationaux-socialistes ont appelé le catholicisme politique. C'est-à-dire comme les catholiques étaient représentés par ce parti, à la fin, c'était logique. Quand on était catholique, on votait pour le Zentrum. Il y avait toutes sortes de tendances au sein du Zentrum. Hein. Il y avait une tendance ouvrière un peu socialisante, il y avait une tendance rurale plus conservatrice, etc. Donc ensuite, ça faisait un parti extrêmement varié. Il forcément était tiraillé dans ses alliances. C'est-à-dire que sous Guillaume II, il s'est souvent allié aux conservateurs. Puis, sous la République de Weimar, il est devenu un membre de coalition avec des sociodémocrates, avec des francs-maçons, avec des gens qui, a priori, il n'aurait pas dû trop s'allier avec. Et puis, c'est devenu un parti institutionnel qui a fourni plusieurs chanceliers à la République de Weimar, qui était un régime complètement décadent. Enfin, le Zentrum s'est embourgeoisé, s'est mis dans le sens du système, et donc d'un parti, on va dire, de résistance catholique, c'est devenu un bourgeois mondain, dominant, et qui voit mal son aile droite. Une aile droite qui a toujours existé, qui notamment dans les années 20-30 était dominée par la figure de Franz von Papen. En fait, par sa domination au sein des masses catholiques, par donc ce que les nationaux-socialistes appelaient le catholicisme politique, va couper beaucoup de catholiques du NSDAP dans ses débuts. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le NSDAP naît à Munich. Il naît en Bavière, dans une région qui a toujours été, en catholique, a toujours été dominée par la branche bavaroise du Zentrum. Et donc, le NSDAP va commencer en opposition avec cette branche-là. Le putsch de Munich de 1923 se fera contre le gouvernement catholique bavarois. Et donc, de base, le NSDAP part mal auprès des masses catholiques. Et encore en 1933, dans les élections, on remarquera que les régions catholiques sont celles qui votent le moins pour le NSDAP. Parce qu'il y avait cette espèce de monopole du Zentrum sur les catholiques, avec toutes les dérives à cause ensuite des dérives politiciennes, des dérives démocrates de ce parti. Donc c'est là où c'est assez compliqué, c'est-à-dire que forcément en réaction au sein du NSDAP, ça a permis à des groupes néo-païens, des groupes protestants, des groupes anticatholiques en tout cas, de se faire leur beurre, parce que forcément ils étaient opposés aux catholiques en place, aux cléricaux, qui étaient à la fois donc des corrompus, des complices des communistes ou des francs-maçons, ce qui est vrai pour certains d'entre eux. Hein. Certains d'entre eux étaient objectivement des complices des communistes et de la franc-maçonnerie. Pas tous, mais certains. Lâche ! Traître ! Sale juif ! Et donc, voilà, ça va faire une sorte de terreau aussi pour l'anticléricalisme au sein du NSDAP, et même plus généralement, avant même de parler du NSDAP, au sein du nationalisme allemand. Et cette idée comme quoi le catholique étrangère le Vatican, c'est aussi une idée très prégnante chez les pan-germanistes autrichiens de Georg von Schönerer, notamment avec leur mouvement Los von Rom. Los von Rom, ça peut se traduire par loin de Rome, hors de Rome, dehors de Rome. Enfin voilà, il faut quitter Rome. C'est un mouvement d'apostasie. Pour, Pour le Zentrum, juste une question. Est-ce qu'il était contrôlé plutôt par des laïcs catholiques ou est-ce que le clergé était très impliqué? Première question. Et ensuite, que se passait-il quand un catholique ou un membre du clergé voulait plutôt aller de la NSDAP ou est-ce que c'était délicat ou bien accepté? Pour le Zentrum, dès le début, il y a une forte implication du clergé. Évidemment, hein, il était consommé clairement de laïcs. Enfin, c'est un parti de masse. On ne peut pas faire un parti que de prêtres et de bonnes sœurs, hein, évidemment. Mais ensuite, évidemment, oui aussi, dès le début, Mgr von Kettler, archevêque de Mayence, je ne me trompe pas, a été l'un des fondateurs du Zentrum. Au temps de la République de Weimar, notamment au moment de sa dissolution, il était dirigé par Mgr Ludwig Kaas, qui était un prêtre du diocèse de Cologne, si je ne me trompe pas. Voilà, les prêtres ont une grande influence au sein du Zentrum. Évidemment, il y a aussi beaucoup de laïcs, mais le clergé était totalement derrière le Zentrum. L'abbé Hauser en Bavière, notamment, plus en Bavière, qui était favorable au début, il était favorable à DNVP. Le DNVP, c'est un peu le grand parti nationaliste allemand des années 20, monarchiste, majoritairement protestant, mais qui commence à avoir quelques catholiques, mais qui n'était pas le Zentrum. Quoi. Et déjà, soutenir ce parti-là pour un catholique, non mais voilà, c'était quasiment une apostasie. Il était marginalisé, il était très mal vu, il était sanctionné par ses supérieurs. Enfin, il y avait vraiment toute une dérive de catholicisme politique là-dessus, qui justement était énoncée par les socialistes. On se dérive, ce qui se comprend humainement, parce que ce parti était devenu le seul parti catholique, le seul parti qui défendait la minorité catholique, mais avec le temps, ça a vraiment dérivé en monopole malsain d'une boutique qui, évidemment, comme tous les partis, avec le temps, surtout les partis qui participent au gouvernement, devient de plus en plus nauséabond. Je pense notamment, c'est le même exemple que le Parti catholique belge qu'a affronté notamment Léon de Grelle, là où il dénonçait ensuite la corruption au sein de ce parti. Bien, le Zentrum, c'est un peu pareil en Allemagne. C'est-à-dire que ça partait d'une très bonne intention au début, mais ensuite, voilà, ça devient un parti de gouvernement, un parti bourgeois qui s'allie avec des gens qui, en soi, sont des ennemis de l'Église. Des agressions sauvages, homophobes, comme ça, avec moi, on ne tolérera pas ça. Et donc ensuite, malgré tout, le clergé le soutient, ça devient une sorte de dogme de soutenir ce parti. Le prêtre qui commence à s'écarter de ça. Alors le laïc, il y en avait quand même d'autres. C'était mal vu, mais c'était moins dur. Mais quand même, c'était mal vu. C'était un catholique de seconde zone, le laïc qui s'écartait du Zentrum. Le prêtre qui s'écartait du Zentrum, c'était un marginal. Comme l'abbé Hauser, Philippe Hauser. Philippe Hauser, qui très mal fini, parce que c'est qu'à force d'être marginalisé, il a fini par être un vrai hérétique, à force d'être traité comme un hérétique. C'est très dommage, mais enfin, où est la responsabilité? Je ne sais pas, enfin, je ne sonde pas les reins et les cœurs, donc je ne peux pas dire qui est la responsabilité de quoi, mais ça n'a pas dû l'aider d'être traité comme ça. Vous voulez l'excommunier, c'est ça, juste parce qu'il ne voulait pas être aux Zentrum, disons? Il n'est pas excommunié, parce qu'à proprement parler, il ne s'agissait pas d'hérésie ou quoi que ce soit, mais il était marginalisé, mal vu, enfin, il y a plein de manières, sans excommunier clairement un prêtre, de bien lui faire sentir qu'il n'est pas comme il faut. Mais le cardinal voilà. Von Faulhaber, lui, aurait voulu, enfin c'est ce que j'ai lu, hein, mais... Oui, tout à fait. Et surtout, là où c'est encore plus flagrant, c'est quelqu'un qui, lui, a toujours été d'une parfaite orthodoxie, c'est Don Albanus Schachleiter, qui, lui, était donc un père abbé, bénédictin, vieux, décoré par Saint-Pilis, honoré d'une certaine aura, etc., mais qui a eu le mal de en 1923, et très séduit par Hitler, et d'être ensuite un fervent soutien du NSDAP. Alors lui, il en a vu des vertes et des pas mûres. Et simplement pour son soutien du NSDAP. Enfin, ça a été assez lunaire. On est arrivé à un point là où on ne tolérait vraiment plus rien en dehors du parti qui était bien comme il faut. Et le reste, c'est une trahison. Et ça, il y avait là-dessus une vraie dérive. Je voulais vous poser une question, d'ailleurs, monsieur l'abbé, c'est qu'il y a un peu d'ambiguïté à ce que les catholiques sont représentés par un parti, puisqu'à un moment, vous parlez d'excommunication pour des raisons politiques. Mais est-ce que le parti, à un moment, ne se confond pas avec l'Église dans la mentalité des gens de cette époque? Faire partie du parti, c'est faire partie de l'Église, en fait. Donc, à un moment, ça se confond un petit peu, mais c'est tout de même pas la même chose. Quand on voit l'histoire de l'Allemagne, on comprend. C'est pas quelque chose, c'est pas des monstres qui ont fait quelque chose d'absurde ou quoi que ce soit. Il y a une logique dans l'histoire. Ensuite, oui, il y a un moment, il doit y avoir une sorte de réactualisation. D'ailleurs, je crois que j'avais vu des données là où, dans les années 1870-1880, il y a quasi la totalité des électeurs catholiques qui votaient pour Zentrum. En 1912, il n'était plus que, entre guillemets, 54%. Ça fait quand même une majorité absolue. C'est énorme quand même d'avoir déjà la majorité absolue d'une communauté. Mais c'est 54%, c'est 46% qui vont quand même voter ailleurs. Se dire, voilà, on n'est plus sous le Kulturkampf. Il y a d'autres partis qui ne persécutent plus forcément l'Église. on devrait peut-être un peu relâcher la pression et arrêter de faire comme si, quand on est catholique, on doit adhérer au Zentrum, voter pour le Zentrum, et sinon on est un apostat. Enfin, et c'est cette espèce de mise à jour que, forcément, pour des intérêts politiciens, ils n'avaient absolument pas envie d'avoir, parce que c'était tout à fait intéressant de garder ce monopole d'un tiers de la population allemande, c'est énorme quand on y pense, d'avoir des régions entières, la Bavière, etc., qui vous étaient acquis d'office. Il y avait toute une série de régions d'Allemagne, là où le Zentrum est celui qui avait le plus de régions forteresses, c'est-à-dire de régions qui étaient imprenables pour les autres. Toutes les régions qui étaient à grande majorité catholique, les autres, c'était même pas là qu'il se présente, quoi. C'était ce parti-là de toute façon d'être vainqueur. Il aurait pu présenter un tueur en série et il aurait été vainqueur. C'est plus ensuite un intérêt politicien qui n'avait pas du tout intérêt à remettre en cause. Donc évidemment, c'est une dérive, mais ça s'explique humainement, on va dire. Mais je comprends que l'explication d'être dans un parti catholique parce qu'on est persécuté et après on l'oublie, entre guillemets, même si la situation a changé, ça peut expliquer ce phénomène-là, mais ça n'explique pas forcément pour moi que ce soit le clergé qui ait pris le dessus dans ce parti plutôt que le laïc. J'étais dans un séminaire il n'y a pas longtemps et je voyais tous ces prêtres, et bon, c'est sûr, tous ces futurs prêtres, et c'est impressionnant. Et on a tendance à penser qu'ils n'ont plus les tentations de la chair, ils ont plus beaucoup de tentations que celui qui reste dans le monde a, eux ne les ont plus, je pense que c'est vrai. Mais il me semble qu'il y a une tentation qui est presque plus puissante pour le prêtre que pour le laïc, c'est la tentation de la libido dominandi, en fait. C'est celle du pouvoir social. Et quand on pense à l'histoire, l'histoire plus ancienne, l'Ancien Testament en particulier, comment ont terminé les prêtres de la synagogue, ils ont fini dans une ambition terrestre, en fait, complètement débridée, qui a été le péché ultime. C'est subordonner, en fait, c'est utiliser son pouvoir qui est délégué par le Christ et l'Église, les choses les plus saintes, pour servir éventuellement des passions de pas très avouables. À gauche du Parti radical, du Grand Orient et de la Ligue des droits de l'homme, je vois quelques évêques. Ils sont en civil pourtant. C'est à ça que je les reconnais d'ailleurs. Ils ont le col roulé, n'est-ce pas ? Alors eux, c'est le tir de barrage. Ils attaquent des évêques de gauche et d'extrême gauche. C'est quand même rare. C'est à ma connaissance la première fois qui montent au filet sur le plan politique. On ne les a pas entendus parler du goulag. On ne les a pas entendus condamner le génocide communiste en Afghanistan ni au Cambodge. Et si vous vous mêliez de ce qui vous regarde, c'est-à-dire de ce qui touche à Dieu, au spirituel, à l'Église, et si vous laissiez à gros gens que nous sommes le soin de nous occuper de la politique qui ne vous regarde pas plus que les autres. Vous n'avez pas plus d'autorité dans ce domaine que le dernier des citoyens et vous abusez de votre fonction en lançant l'anathème que vous lancez. Et je trouve qu'on ne prévient pas assez, peut-être à la fois les laïcs, mais aussi les prêtres, sur cette tentation et sur les punitions que ça a pu nous attirer, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui plaît plus que ça à Dieu. Donc peut-être qu'après Vatican II, etc., ont pu être des conséquences de ces choses-là. Je ne sais pas quel regard vous avez sur ça. Mais... Alors oui, évidemment, sur l'Ancien Testament, vous avez pu aussi parler d'Aaron avec Moïse, qui participe au veau d'or, etc. Enfin, dans l'Ancien Testament, on voit déjà cette personne de prêtre qui trahissent, et jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'Évangile, évidemment, avec Caïphe, avec Anne et avec le Sanhédrin. Bon, ensuite, ça reste des juifs. Hein. Et qui sont les seuls responsables de la décadence morale qui règne actuellement dans notre société ? Les juifs ! Les juifs ! Voilà, on ne peut pas non plus tout comparer. voilà. Ça... Non, mais voilà, il y a des défauts qui sont des leurs. Oui, mais après, il y a un parallèle entre les deux alliances. Évidemment, non, mais évidemment, je comprends ce que vous voulez dire. C'est un peu. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner qu'ils ne sont pas de la même race que nous. Et pourquoi donc ? Mais enfin, il va la reconnaître. Comment ça ? Je ne sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Le côté du pouvoir, de la domination. C'est une tentation que peut y avoir pour tout homme, et c'est vrai que quand on n'a pas de famille, quand on est prêtre, etc., peut y avoir facilement, surtout quand on est considéré humainement, peut y avoir facilement cette tentation-là. Et que ce soit la tentation la plus prégnante pour un clerc, mais c'est évident, vous avez parfaitement raison. Ensuite, moi, ça ne me choque pas outre mesure que des prêtres fassent de la politique dans certains cas. Précise bien dans certains cas. Je pense notamment à l'exemple de Monseigneur Tiso. Pour moi, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Je n'ai pas rien à lui reprocher. Le fait qu'il soit prêtre et président slovaque ne me choque absolument pas. Donc je pense que c'est peut-être un faux sujet, sans dire qu'il n'y a aucun problème là-dessus, mais on ne peut pas tout rejeter sur le fait qu'il y ait des prêtres qui s'impliquent là-dedans. Il y a vraiment un autre problème sur le fait d'un parti qui ensuite devient parti de gouvernement, dans un régime qui n'est pas forcément très catholique, etc., qui ensuite fait des concessions. C'est des choses qui peuvent être inévitables, mais qui là sont, je pense, beaucoup plus à pointer. Mais le fait que des prêtres puissent avoir un rôle politique, dans certains cas, ce n'est pas notre vocation première, évidemment. Enfin, quand on entre au séminaire, le but, ce n'est pas de devenir président de la République. Enfin, sinon, on n'a rien compris. Mais voilà, ensuite, dans l'absolu, que dans certaines circonstances, des prêtres puissent prendre des responsabilités politiques, ça ne me choque pas. Que Mgr von Kettler, notamment, a une grande responsabilité à la tête du Zentrum, ça ne me choque pas. En revanche, que, alors même que Mgr Kaas était député du Zentrum, président du Zentrum, que la hiérarchie ne trouve rien à redire, mais par contre condamne la Béhauser, le père Abbé, Schafleiter, etc., pour leur activité dans d'autres partis, je trouve vraiment ça du deux poids, deux mesures, et là, ça devient franchement gênant. Mais vous voyez, c'est pas le principe qui me choque, c'est plus l'application qui en a été faite. Donc merci pour cette mise en contexte, monsieur l'abbé. On peut être aussi un peu avancé dans le temps. Donc on voit un peu l'état de l'Allemagne, surtout l'histoire des partis catholiques officiels qui étaient en place et leur rôle, leur influence. Ensuite, Adolf Hitler accède au pouvoir en janvier 1933. Et donc certains clercs catholiques, alors on peut dire que c'est un peu mitigé, certains voient ça d'un bon oeil, certains d'un mauvais oeil. On peut dire que 6 mois plus tard, il y a le Concordat. Et là, généralement, les avis deviennent de plus en plus positifs envers le national-socialisme de la part de Claire. Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre que vous trouvez que le Concordat a été beaucoup plus favorable à l'Église qu'à l'État. Est-ce que vous pouvez motiver votre réponse ? Non, c'est quand même, le Concordat n'était pas un cadeau purement gratuit. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a été aussi favorable à l'État national-socialiste. Hein. Ils ne se sont pas sacrifiés non plus. Hitler s'est mis une opinion catholique qui, de base, donc, était majoritairement avec le Zentrum, largement avec lui. D'ailleurs, le Zentrum s'est dissous de lui-même. Il n'a même pas eu besoin d'intimer, d'ordre, quoi que ce soit. Mgr Kaas, le 5 juillet 1933, a dissous le Zentrum, c'est tout. Et beaucoup de membres du Zentrum sont passés au NSDAP. Enfin, avant même le Concordat, on a toute une série d'évêques. Et ça les rassure beaucoup, parce qu'ils avaient l'image d'Hitler comme une sorte de trublion, qui allait tout casser, qui allait faire n'importe quoi, qui ne saurait pas gérer, là où ce serait l'anarchie en un mois. Et en fait, ils se rendent compte qu'Hitler est capable de diriger un pays. Et ça change tout. Et là, ils commencent à réellement comprendre ce qu'est le NSDAP. Parce qu'ils étaient prisonniers du NSDAP, d'une partie d'extrémistes qui gueulent, qui tapent dans la rue, qui ne savent rien faire, mais qui derrière, une fois au pouvoir, voilà, ils sont incapables de gérer quoi que ce soit, d'avoir un seul ministère. En fait, ils découvrent qu'il y a des gens extrêmement compétents, des gens brillants, des gens qui sont intelligence supérieure, Hitler lui-même quelqu'un d'absolument brillant, qui dirige son pays, mais comme un virtuose. Et là, oui, ils sont bluffés, ils sont impressionnés. Et la masse des évêques allemands sera favorable à Hitler dans les premiers mois, mais même après, avec toutes les réserves qu'ils auront à faire sur tel ou tel aspect, l'écrasante majorité des évêques allemands distinguera toujours la personne d'Hitler, des errements qu'il peut y avoir ici et là dans le régime. Il y aura toujours, dès ces premiers mois de 1933 jusqu'à la fin, une considération sur tous les bienfaits d'Hitler à la tête de l'Allemagne. Et donc on peut dire que par la suite, donc, le régime national-socialiste finalement a assumé son devoir d'État, a commencé à faire de la politique, seule la politique qu'il avait annoncée, finalement, il y a peu de surprises. Et donc, je fais encore un nouveau saut dans le temps, et on va arriver finalement peut-être au cœur des discussions, puisque 4 années plus tard, il y a eu 2 encycliques qui sont sorties de Pie XI et qui ont fait grand bruit. Donc, la première, dans l'ordre, on va dire chronologique, c'est Divini Redemptoris, qui condamne le communisme, et l'autre, on va parler la deuxième, c'est la fameuse encyclique Mit Brennender Sorge, j'espère que je prononce bien encore une fois, c'est pas facile. Sie haben meine Ehre damit entehrt. Tu me souviens de comment, was? Und die Unschuld eines jungen deutschen Mädchens missbraucht. Ah, ja, danke schön, petite enfant, schön. Oh, ich bin heureux, meine Tante, meine Tantine. Qui fait une remise à l'ordre, on va dire, des excès du national-socialisme. Ou alors, vu qu'on va parler du point d'interrogation finalement qui se trouve dans le titre du livre, est-ce qu'il s'agit d'une condamnation de la doctrine national-socialiste. Quel est votre avis ? Je pointerai que la concomitance des deux encycliques est tout sauf un hasard. C'est-à-dire que, de base, si vous lisez les deux encycliques, vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez très bien la différence d'une condamnation claire, sans équivoque, radicale du communisme, et un document, on va dire, j'aborderai par la suite, mais qui n'est pas une condamnation aussi claire, etc., du national-socialisme. Mais la concomitance des deux dates a été faite exprès pour faire une fausse équivalence, en sachant très bien que l'opinion publique, que la masse des journalistes, etc., ne diront pas les deux documents. Et c'est une manipulation, c'est vraiment une véritable manipulation. Si Mudren & Herzog était paru quelques mois avant ou quelques mois après, on n'aurait pas eu l'équivalence qu'on entend tout le temps dans le milieu catholique, tout le temps en se confondu, entre le nazisme et le communisme, comme des deux idéologies païennes, antichrétiennes, etc. Cette fausse équivalence, cette fausse égalité qui ne résiste absolument pas à l'examen des textes, mais pas deux secondes, a été vraiment faite par cette concordance des dates. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas par qui ça a été voulu, en tout cas, ça a été voulu par des gens au Vatican, pas par le pape, à mon avis, mais c'est là que réside le fond de cette ambiguïté, en sachant très bien que ce n'est pas le contenu, c'est l'image médiatique qui va en sortir. Et ça, c'est le seul. Il y a eu un échange après l'encyclique entre le ministère des Affaires étrangères allemand et le cardinal Pacelli, qui était secrétaire d'État, le futur Pie XII. Le seul point là où je serais d'accord avec le ministère des Affaires étrangères allemand, c'est l'inopportunité totale de la date de cette encyclique. C'est vraiment, on ne pouvait pas plus mal choisir une date, ou alors c'était vraiment pour annuler l'effet de Divini Redemptoris. On sent, et je soupçonne, mais plus que soupçonne, je suis quasi certain, qu'on met sur le même plan les deux, comme pour annuler la condamnation du communisme, et qu'on préparait en fait les esprits au fait que le mal qu'il allait avoir à abattre, ce ne serait pas le communisme, ce serait le nazisme. Et qu'on est déjà dans cet esprit-là, parce qu'il y a toute une clique libérale antifasciste à Vatican, qui était déjà là à l'époque, et qui a favorisé ça. Ça, c'est une certitude. Bon, ensuite, je passe sur le fond de l'encyclique. Sur le fond de l'encyclique, moi-même, au risque de choquer ou ça, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été fait dans l'encyclique. Je le regrette, hein. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a des exagérations, qu'il y a des choses fausses, etc. Mais en analysant le Troisième Reich, l'histoire, ce qui s'est passé, malheureusement, ce qui est décrit est vrai. Mais il faut voir ce qui est écrit. Il ne faut pas voir les interprétations qui en ont été faites. À aucun moment, et d'ailleurs le cardinal Pacelli le dit dans sa réponse, à aucun moment, ni le mouvement, ni le régime ne sont condamnés en tant que tel. Tout comme dans Nana Abbiamo Bisogno sur le fascisme. Enfin, dans Nana Abbiamo Bisogno, c'est écrit textuellement dans l'encyclique comme quoi ni le parti ni le régime ne sont condamnés. Dans Mitbonen der Sorge, ce n'est pas écrit textuellement dans l'encyclique, mais c'est dans la réponse du cardinal Pacelli que c'est écrit textuellement. Et donc là, on a quand même la clé pour voir la différence fondamentale qu'il y a avec Divini Redemptoris. Ensuite, toutes les erreurs qui sont condamnées dans Mitbonen und der Sorge, évidemment, sont des erreurs. Ça ne fait pas un pli. Enfin, pour un catholique, il y a même des moments un peu drôles, entre guillemets, parce que tous les antinazis qui parlent de cette encyclique devraient un peu la lire. Pion se rappelle quand même, enfin, il dit quand même que la race tient une place honorable dans l'échelle des valeurs humaines. Il rappelle que c'est les juifs qui ont crucifié le Christ, que l'Ancien Testament est abrogé, enfin, toute une série de choses là où les cathos philosémites modernistes d'aujourd'hui seraient très mal à l'aise de relire ça. Il fera un arrêt cardiaque, ouais, effectivement. Ouais, mais il n'y a pas que, il y a même parmi les tradis des personnes comme ça, hein, qui vous disent « Oui, Mitbonen und der Sorge est une condamnation du nazisme », mais on se demande vraiment s'ils ont lu cette encyclique. C'est l'éternel problème de citer des documents qu'on ne lit pas. Malheureusement, c'est un travail assez répandu. C'est ridicule, parce qu'ensuite, il suffit que vous ne lisiez pas, ensuite vous êtes facilement mis en contradiction avec ce que vous dites. Mais bon, c'est pas grave. Malheureusement, ça marche. Vous allez dans tous les dictionnaires Larousse, etc., du monde, vous voyez que Non abbiamo bisogno est une condamnation du fascisme. Enfin, ça dit textuellement le contraire, mais c'est pas grave. Que Mitbonen und der Sorge est une condamnation du nazisme et Divini Redemptoris est une condamnation du communisme. Que sur Wikipédia aussi, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, surtout partout. Partout, surtout, même sur les sites catholiques, même les cathos tradis, partout. Vous lisez ça. Et pourtant, il suffit de cliquer sur le document, de lire le document, et vous voyez autre chose. C'est aberrant. Mais malheureusement, c'est la réalité, quoi. Il y a les royalistes aussi qui aiment bien le citer, parce que, voilà, ils ont besoin de redorer leur blason, et donc, quand ils accusent le national-socialiste, ça leur permet de de remettre leur collant Louis XIVien. Le NSDAP n'a jamais été victime de mesures aussi sévères que l'Action française. Enfin, évidemment, je ne dis absolument pas que c'était justifié contre l'Action française. Il y a un petit point intéressant aussi, monsieur Labbé, c'est que vous nous direz, vous avez étudié mieux le sujet, il n'y a pas eu d'excommunication de membres du parti, de simples catholiques qui adhèrent au parti, ou même d'Adolf Hitler lui-même qui faisait partie de l'Église. Hitler n'a jamais été excommunié, est toujours resté catholique, n'a jamais renié son baptême, contrairement à ce que certains national-socialistes voulaient. En revanche, il y a eu des locales, notamment au diocèse de Berlin, il y a eu un refus de funérailles catholiques dans le diocèse de Mayence, il y a eu certaines mesures par les évêques de Bavière, mais c'était très localisé, très ponctuel, et tout s'est effondré en 1933. Donc au maximum, ça a duré un an et demi, tout ça, et c'était de manière très localisée. Il n'y a jamais eu de condamnation générale, des communications générales des membres du NSDAP. Et même ces mesures localisées, je doute qu'elles aient été appliquées dans toute leur rigueur, parce que malgré tout, c'était un évêque qui ne peut pas faire énormément de choses à lui tout seul. Enfin, voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'excommunication, par exemple, de tous les membres de l'Action française qu'il y a eu, ou même plus tard, l'excommunication de tous les communistes, de tous même les électeurs communistes qui avaient tous été excommuniés. Là, on est quand même à des années-lumière de ça. Donc là aussi, avec les fausses équivalences, c'est un peu n'importe quoi. Non, Hitler n'a jamais été condamné. Et Mein Kampf n'a jamais été à l'index non plus, d'ailleurs. Pendant l'encyclique Non Habemus Bisogno, si j'ai bien compris, il est clairement précisé que nous n'avons pas voulu condamner le parti et le régime comme tel. C'est écrit noir sur blanc. C'est l'encyclique, c'est Pions qui le dit lui-même. Donc ensuite, quand on dit que c'est une condamnation au fascisme, ça me laisse un peu rêveur, quoi. Mais j'ai l'impression... D'ailleurs, il me semble que... Mais c'est Hilar qui l'a dit. Ah, si c'est Hilar qui l'a dit, c'est infaillible. Voilà. En chair, ex cathedra, à la fête du pays réel, comment vous osez... Si tu n'es pas français, tu n'es pas catholique, voyons. Ah oui, la nation française et l'Église, la même entité, une seule et même entité. Ça, je l'ai trouvé dans certains textes, je ne sais pas quoi en penser, vraiment, je l'ai rapporté en disant que c'était des choses rapportées, etc. Adrien Arcand l'a rapporté de plusieurs témoignages. Bon, Adrien Arcand n'est quand même pas neutre, il est totalement favorable au national-socialisme, il est catholique. Donc, on ne peut pas franchement dire que c'est une source neutre. Ensuite, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un d'honnête, je ne pense pas que ce soit un menteur. Donc, je le rapporte parce que, justement, c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'estime, et donc je pense qu'il ne raconte pas n'importe quoi. Ensuite, je n'ai pas de preuves établies. Après, il y a des petits éléments. J'avais vu une enquête, notamment sur le fameux bunker, là où il se serait suicidé. Dans sa chambre, ils ont retrouvé un portrait. C'était une peinture, en fait, d'une Vierge à l'enfant, donc de la Renaissance, mais tout de même. C'était le seul tableau qu'il y avait dans sa chambre. Belloc a dit « se serait suicidé » parce qu'il croit peut-être à la théorie de Glossy, comme quoi il a fui en Argentine ou dans un pays d'Amérique latine. Non, dans les souterrains. Souterrains, c'est les tortues ninja à papillotes. Sans aller dans les théories délirantes de Glossy, des géants, de l'Atlantide ou je sais pas quoi, une chose très intéressante sur le suicide de Hitler, moi je pense que le plus probable qu'il soit mort suicidé ou quoi que ce soit, même si je pleure évidemment, mais il y a quand même un petit truc qui est marrant, on va dire. Il n'y a aucune preuve matérielle qu'Hitler soit mort le 30 avril 1945 à Berlin. Tous les os, les squelettes, les restes qu'on a pu présenter, que les soviétiques ont pu présenter, ont été démontés les uns après les autres par les analyses scientifiques. On n'a aucun reste. C'est comme Lucie. Ça, c'est... Non, mais ensuite, je ne dis pas que ça veut dire quelque chose comme ça, mais c'est intéressant à se dire qu'il n'y a aucune preuve de ça. Donc moi, j'aime à croire, je ne dis pas que c'est le cas, mais j'aime à croire qu'il est toujours parmi nous. On l'attendait depuis des années, enfin c'est arrivé. Les nazis sont de retour. Ici, à Mufflin, on se réjouit qu'un régime qui fait la part belle à l'antisémitisme et à l'anticommunisme puisse s'exprimer à nouveau. Les homosexuels, les francs-maçons en prison, c'est certainement le premier souhait que caresse chaque Grolandais. Paul VI, non, lui on le veut pas, c'est bon. Il a déjà assez sévi quand il était vivant, il n'y a pas besoin qu'il revienne. Alors j'explique la blague de Rex, parce que je veux raconter mon petit parcours de conversion, c'est assez rigolo. Ça va aller très très vite. C'est la première fois que je me suis rendu à une messe traditionnelle dans le nord-est de la France. J'étais accompagné de mon futur parrain. Et à la sortie de la messe, j'entends quelqu'un qui était en train de parler de Paul VI, qui serait toujours vivant, parce que la personne, en fait, ne voulait pas admettre la fameuse crise de l'Église, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à cette expression. Donc, en fait, il avait trouvé la solution. Paul VI est toujours vivant, il est vrai pape, il est emprisonné, il était kidnappé par les francs-maçons, et il a été emprisonné dans des geôles au Portugal. Et donc, du coup, il va revenir et puis il va tout expliquer. Et puis, du coup, il n'y aura pas de crise de l'Église, il y aura des vrais papes, etc. Et voilà, et donc ça, c'est le premier truc que j'ai entendu quand je suis allé dans une messe tradie. Et je me suis dit, waouh. Heureusement, je me suis accroché. Mais normalement, quelqu'un d'un peu moins, on va dire, ferme, il part de là en courant. Hein. Oui, c'est très bien que vous ne soyez pas fui quand même, hein, parce que là, c'est fort. Et, pour revenir sur Hitler, on l'accuse aussi... On l'accuse aussi souvent, enfin bon, c'est des accusations, le financement par les Juifs. Ben voilà, en fait, ce seraient les Juifs qui auraient fait Hitler, etc. Bon, enfin, on cite souvent le livre d'Anthony Sutton, enfin, qui a aucune référence. J'ai cité des mémoires au hasard et on oublie le livre d'Henry Turner. Alors, j'ai jamais trop cru en ces thèses-là. Trop intéressé à ces choses-là. Vu qu'il y avait eu des livres qui avaient été faits contre, j'ai pas trop approfondi le sujet, mais les quelques arguments que j'avais entendus contre m'ont suffi. Je doutais fortement d'ailleurs de ça. Oui, il a été soutenu par des industriels, des filles, mais c'était pas des juifs. Qu'il a été soutenu par l'industrie Kruger, des gens comme ça, ou même en sous-main par Henry Ford. Oui, ça, c'est un fait. Que oui, à un moment, à la fin des années 20, des 30, il s'est rapproché de certains industriels. Mais pas des juifs, évidemment. C'est ridicule, cette thèse-là. Enfin, franchement, je me suis jamais trop intéressé à ça, ça me paraissait grotesque. Mais oui, les juifs sont pas masochistes non plus, pas soutenir leur pire ennemi. C'est comme si aujourd'hui on me disait que, voilà, en fait, derrière l'Iran et le Hezbollah, c'était Soros qui était derrière. Enfin, bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Ça fait partie d'une certaine frange de délire, en fait, de gens qui veulent absolument donner des pouvoirs incroyables à la juiverie pour éviter d'agir, tout simplement. Ah, les juifs, ils sont trop forts. Ils arrivent à déclencher des guerres 5000 ans à l'avance. On peut rien faire, il y a des complots partout. Conclusion, je peux rester tranquillement dans ma chambre à faire rien. Et non, puis, voilà. Hâter la parousie. C'est ce qu'on a vu, effectivement. Et ça, c'est même pas une exagération, d'ailleurs. Ben justement, on peut peut-être parler du comportement du national-socialisme vis-à-vis de la franc-maçonnerie, vis-à-vis des sociétés occultistes et secrètes, vu que nous, on a quelques problèmes hein, avec ces sociétés-là aujourd'hui et depuis toujours. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Je vais laisser la parole, bien sûr, à M. Lavé pour la question, mais je voulais absolument citer une petite blague du docteur Joseph Goebbels, qui parfois est très comique, donc on faisait référence à l'interdiction des trucs occultistes, des voyants, des astrologues, par le NSDAP, très vite hein, d'ailleurs. Et donc le bon docteur Goebbels a dit la chose suivante: tous les astrologues, magnétopathes, anthroposophes, etc. ont été arrêtés et toutes leurs activités paralysées. Ceci a finalement mis fin à cette escroquerie. Curieusement, pas un seul voyant n'a prédit qu'il serait arrêté. Alors oui, pour en revenir donc à la question, oui, la NSDAP a non seulement... Il a interdit la franc-maçonnerie en 1935, dissout toutes ses loges, perquisitionné, fait ce qu'il fallait faire. Et dès 1933, en fait, il avait déjà interdit les sociétés, ce qu'on appellerait aujourd'hui les sociétés de libre-pensée, les sociétés athées, etc. En 1937, il a aussi interdit tout ce qui était les sociétés occultistes. Notamment une série de sociétés qui ont essayé de survivre de l'ASS par la suite. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui le mysticisme nazi, etc., vient de gens qui en fait étaient à moitié traqués par les autorités du Reich et qui se réfugiaient sous la protection de gens comme Rudolf Hess ou Heinrich Himmler, etc., qui étaient beaucoup plus favorables à ce genre de choses. Ensuite, il y a eu, alors 1941, notamment la citation que vous preniez de Goebbels, c'est tiré de l'arrestation qui est en 1941, suite au départ en Angleterre de Rudolf Hess, qui était un peu le protecteur de tous les voyants, de tous les escrocs, de ces gens-là. Rudolf Hess était quelqu'un qui adorait tous ces trucs-là. Bon, il avait ses mérites, mais là-dessus, il n'était pas très clairvoyant. Et Hitler en a profité dès qu'il est parti pour faire balayer tous ces gens-là. Et mais ensuite, il y a la fameuse question derrière tout ça de l'occultisme nazi, etc. C'est l'ordre de Thulé, qui serait l'espèce de société ésotérique qui aurait fondé le national-socialisme, qui serait derrière tout, qui serait à l'origine du symbole de la croix gammée, qui serait à l'origine de tout, etc. Ça, c'est une thèse très courante dans le milieu, on va dire, catho-complotiste anti-nazi. Ça permet d'accréditer l'image du nazisme païen, occultiste, satanique, quoi. En réalité... Bon, Hitler n'a jamais été membre de la société de Thulé, Il se fichait pas mal de tout cet ésotérisme, tous ces mystiques ésotéristes, occultistes, etc. On a des citations de lui qui sont sans équivoque, mais en revanche, on ne peut pas nier... Excusez-moi, monsieur l'abbé, juste pour préciser, je le dis. C'est vrai qu'il se moquait un petit peu de la tendance Himmler, où Himmler faisait l'éloge des germaniques très antiques, et Hitler lui répondait en quelque sorte que... En fait, à l'époque, c'est le monde gréco-romain qui domine, qui était supérieur, et donc faire l'éloge de ces ancêtres-là, c'est moins intéressant. Oui, complètement. Mais c'est un fait établi que les Grecs et les Romains étaient des Indo-Européens, donc des Aryens. Donc tout à fait, à partir du moment où Hitler parle surtout de la race aryenne, pas spécifiquement de la race germanique en particulier, il pouvait tout à fait dire ça. Himmler s'est focalisé sur les Germains. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu tous ces travers dont Hitler se moquait, là où il trouve le moindre tesson de vase dans le forêt germanique, et tout de suite une preuve qu'il y avait une grande civilisation en Germanie. Bon, c'était très ridicule. Et il se moquait aussi déjà des pan-germanistes qu'il avait au début de sa carrière politique dans les années 20, enfin des intellectuels de salon qui étaient là à rêver de hache de guerre, etc. Alors qu'il disait bien, d'ailleurs, il le décrit dans Mein Kampf, qu'il fuyait à la première matraque communiste. Enfin, on croirait des fois qu'il décrit les intellectuels actuels de la Nouvelle Droite. Mais bon, et on peut reprendre ces citations mot pour mot, ça s'applique tout à fait. Ensuite, pour ce qui est de la société de Thulé, etc., on ne peut pas nier que le NSDAP, donc il faut rappeler que le NSDAP à l'origine n'a pas été fondé par Hitler, c'est d'abord un premier parti des travailleurs allemands qui est 1919, a été fondé par les membres de la société de Thulé. Donc par des gens qui étaient clairement de cette tendance-là, des vieux pan-germanistes, ceux que Hitler se moquera. Mais les fondateurs de ce parti seront écartés au fur et à mesure par Hitler. Hein. Une fois que Hitler arrivera dans ce parti, je crois qu'il sera l'adhérent numéro 7. Une espèce de groupuscule, une cabine téléphonique, une poignée d'intellectuels pan-germanistes, ça c'était vraiment pas grand-chose quand il est arrivé dans ce parti. Il l'a totalement transformé, il en a fait le parti de masse qu'on connaît, etc. Mais oui, ce parti a été fondé par les membres de la société de Thulé. Il y a eu dans la société de Thulé des gens qui ont eu ensuite un grand rôle dans le national-socialisme. Il y a eu Gottfried Feder, un économiste brillant, et dont Hitler s'est beaucoup inspiré sur la politique économique. Il y a eu Dietrich Eckart, auquel il a dédié le deuxième tome de Mein Kampf, qui aussi a une grande influence auprès de lui. Mais là aussi, ils ont eu des influences sur d'autres sujets, pas sur le côté occultiste, etc. Hitler se fichait totalement de ça. Il y a eu des gens aussi comme Hans Frank, qui était membre de la société de Thulé, Rudolf Hess, et il y a un troisième nom qui m'échappe, je crois que c'est Alfred Rosenberg aussi, qui en était membre. Voilà, des gens qui ont eu un rôle assez considérable après. Mais là aussi, s'ils sont restés au sein du NSDAP, c'est absolument pas par une certaine solidarité de la société de Thulé ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour leur talent propre. Il y a plein de membres de la société de Thulé qui ont été écartés dès le début par Hitler. De même, Hitler, dès les années 20, était très clair vis-à-vis de l'antichristianisme, etc. Quand il a rompu avec le général Ludendorff, qui était une très grande figure de la Première Guerre mondiale, qui était assez considérable, c'était à cause de cette espèce d'anti-christianisme primaire, de ce néo-paganisme que Hitler ne supportait pas. Mais là-dessus, voilà, Himmler a percé par ses compétences. Himmler était quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très efficace, et c'est pour ça qu'il a réussi à avoir tous les postes qu'il a eus. Hitler, là-dessus, a jugé les gens de manière assez froide en utilisant les compétences qu'il avait sous la main. Mais on ne peut pas dire parce qu'un tel était de la société de Thulé et qu'ensuite il a une grande influence, qu'en fait c'est parce que Hitler était membre de... Non, il s'en fichait. Il s'en fichait complètement. C'était un pragmatique, voilà. Totalement pragmatique. C'est un homme politique, nationaliste, conservateur et pragmatique. Si on peut pas... C'était pas vraiment un révolutionnaire idéaliste. Il avait un côté idéaliste, il avait un côté un peu illuminé des fois, parce qu'il avait son rêve, en fait, qu'il avait écrit dans Mein Kampf, il voulait le réaliser. Mais sur la technique, sur la manière de diriger son parti, c'était un grand pragmatique, et c'est ça aussi qui a fait son efficacité. C'était vraiment un génie de l'organisation, un génie de l'action. Oui, il a vraiment été un homme politique remarquable, à plein de niveaux. On parlait des libres penseurs juste avant, on va dire des athées en général, et vous écrivez dans votre livre un passage qui m'a un peu étonné, d'ailleurs j'ignorais complètement l'information, selon laquelle dans la SS, par exemple, le fait de se déclarer athée, c'était extrêmement mal vu. Limite, c'était un motif d'exclusion. Alors, il n'y a pas que des catholiques hein, dans les SS, il y a aussi des protestants ou je ne sais quoi d'ailleurs. Mais voilà, j'ignorais ce fait, c'est assez curieux. Alors oui, la politique religieuse, dans le national-socialisme, globalement, sous le Troisième Reich, l'athéisme était très mal vu. Les sociétés athées ont été dissoutes dès 1933, toute propagande athée était interdite. Au sein de la SS, régnait une sorte de vague théisme. Voilà. Il y avait un dieu qu'on reconnaissait. En fait, derrière, il y avait une espèce d'idéologie panthéiste. Himmler était très intelligent, donc il a vu des biais, on va dire, détournés. Néanmoins, au sein de la SS, c'est au sein de la SS qu'il y a eu le plus de ce qu'on a appelé les Gottgläubig. Les Gottgläubig, ça veut dire littéralement le croyant en Dieu. Croyant en Dieu, c'était quelqu'un qui n'est pas athée, parce qu'il ne faut pas être athée, mais ne serait dans aucune religion institutionnelle, on va dire. C'était une espèce d'assemblage de néo-païens, de théistes, de déistes, mais de gens qui voulaient tous aux chrétiens, quoi. C'est ça le but. Le 74% des officiers SS qui avaient adhéré avant 1933 ont été Gottgläubig. Je crois qu'il n'y avait plus que 68%, enfin, plus que, entre guillemets, dans ceux qui ont adhéré après 1933. 90% des membres du SD, donc le service de renseignement de la SS, étaient Gottgläubig, donc à chaque fois avec des apostasies. Par exemple, Heydrich et Himmler, dès 1936, donc l'instauration dans les catégories du ministère de l'Intérieur allemand de cette catégorie-là, religieuse, puisqu'à chaque fois les religions sont déclarées en Allemagne. Dès l'instauration de cette catégorie, Heydrich et Himmler ont renié la foi catholique. Et ils ont encouragé à cela beaucoup de leurs subordonnés. À l'inverse, à la tête du Reich, ça a été la réaction exactement inverse. C'est-à-dire qu'Hitler non seulement a dit que jamais il ne renierait son baptême, il a interdit à Göring et à Goebbels de le faire. Enfin voilà, il y avait vraiment une dichotomie complète entre la chancellerie du Reich et l'ASS. Mais l'ASS qui avait énormément de pouvoir, puisqu'elle dirigeait le ministère de l'Intérieur, elle dirigeait toutes les polices, des gens comme Himmler et Heydrich étaient omniprésents. Donc, il y a eu cette ambiguïté au sein du Reich qui a perduré, qui a nourri l'image du Reich antichrétien, etc. Peut-être nuancé à cause de tous ces rapports de force dont on ne saisit pas trop à chaque fois la nuance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Hitler n'avait pas autant de pouvoir qu'il aurait voulu, ne pouvait pas faire vraiment tout ce qu'il voulait, il devait faire, avec une série de gens puissants, avec des courants puissants, et tout est une question d'équilibre des forces. On voit ça tout au long du Troisième Reich, on n'a vraiment pas affaire à un régime d'un despote oriental qui décapite pour son plaisir le Premier ministre. Non, on est vraiment avec un régime très occidental là-dessus, et c'est assez complexe. Oui, il y a des groupes assez autocéphaux en fait, ils s'administrent un peu eux-mêmes, et en fait ça donne une certaine forme d'aristocratie, mais qui est sans doute méritante, quoi. Et d'après vous, qu'est-ce qui explique que seul ce mouvement, si on fait abstraction, il s'est passé en Italie, mais si on prend à l'échelle large depuis 1789, où toute l'Europe est en dégénérescence, qu'est-ce qui explique que ce mouvement était le seul à réussir à régénérer un pays complètement sous l'emprise de la juiverie et des francs-maçons? Qu'est-ce qui se trouve chez eux qui leur a permis de réussir à faire ceci que les autres n'ont pas, d'après vous, si une telle chose existe? C'est pas grave, je vois qu'il y a des gentils nazis. Pour moi, la clé de la réussite du national-socialisme, ça réside dans la personne d'Hitler. Vous prenez le même parti, avec la même idéologie, vous le faites diriger par n'importe quel type, même avec des gens qui n'étaient pas des débiles, même par un Rudolf Hess ou tout ça, il n'arrivera pas à la même chose. Il n'arrivera pas au pouvoir, il n'aura pas le même succès, etc. La clé, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui a un génie politique et qui arrive à prendre tout cela en main. L'idée derrière, au fond, le national-socialisme n'a pas inventé grand-chose. Il est une accumulation. Bon, la conjoncture nationale et sociale, c'est une tarte à la crème de tous les mouvements nationalistes depuis la fin du XIXe siècle. Ça n'a vraiment rien d'original. Les apports plus critiquables, néo-païens, etc., étaient dus au pan-germanisme allemand du XIXe siècle. Même les antichrétiens nationaux-socialistes n'ont rien inventé. Quelqu'un comme Alfred Rosenberg n'a rien inventé. Il lui aussi n'a fait qu'accumuler différentes choses. Donc, il n'y a vraiment rien de très original en soi dans la doctrine. Même toute la doctrine raciale, etc., vous pouvez trouver exactement la même chose dans d'autres auteurs allemands 20 ans plus tôt. Donc, c'est le génie de Hitler. Sans lui, il n'y aurait pas eu cette réussite. D'accord, pour vous c'est le grand homme, quoi. C'est un sort de Napoléon qui... La comparaison avec Napoléon, Hitler, Napoléon, c'est des hommes qui arrivent et qui chamboulent leur siècle. Il n'y en a aucun autre homme du XXe siècle qui a eu une telle importance, objectivement. Je ne dis pas que c'est le plus grand dessein de toute l'histoire. On ne parle pas là du point de vue moral, on parle du point de vue de l'efficacité, du point de vue du talent politique, du point de vue de l'importance historique. Clairement, depuis Napoléon, on n'avait pas vu quelqu'un comme ça. Roosevelt, Churchill, tous ces gens-là, c'est vraiment des nabos à côté. Enfin, ils n'arrivent pas même aux petits doigts de pied, quoi. C'est des nuls. Lui, vraiment, c'est quelqu'un. Mussolini était un grand homme, mais Hitler était quand même. Oui, là-dessus, ça se compare à Napoléon. Je ne suis pas du tout un fan de Napoléon, un inconditionnel de Napoléon, mais on peut lui reconnaître que c'est un personnage historique qui arrive dans des circonstances et il change totalement l'histoire. Et ça, on n'en a pas 100 000 dans l'histoire, des gens qui font ça. Et Hitler en fait partie. C'est un peu triste, ça, en un sens, parce que je voudrais dire qu'il n'y aurait pas vraiment d'enseignement à tirer pour notre avenir à nous. Il y a quand même des enseignements sur la méthode politique qu'il a employée. Je pense notamment que sa politique sociale, sa politique économique, qui a été une réussite exceptionnelle, peuvent faire inspiration avec, évidemment, tous les changements qu'il peut y avoir entre le contexte des années 30 et celui d'aujourd'hui. Le fait, sa réussite électorale est aussi très intéressante. C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, mais de la manière la plus démocratique du monde. Et ça, aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ah oui, comme vous le disiez tout à l'heure, oui, démocratiquement, ça paraît totalement bouché. Rien ne paraît possible. C'est vrai que dans le contexte actuel, on a du mal à s'imaginer autre chose. Mais il faut garder à l'esprit que ces gens-là, enfin, que ce soit Mussolini ou Hitler, ça, sont arrivés au pouvoir démocratiquement. Mussolini, il y a eu la marche sur Rome, mais il y a eu aussi surtout ses victoires aux élections, sa négociation avec le roi d'Italie, etc. C'est de manière constitutionnelle qu'ils sont arrivés au pouvoir. Même en France, le maréchal Pétain, d'ailleurs, ce n'était pas dans des élections, mais c'est aussi de manière tout à fait constitutionnelle qu'il arrive au pouvoir. Franco est un peu l'exception. Les autres, en général, ils arrivent au pouvoir, mais de la manière la plus légale possible. Et ça, c'est assez intéressant. Enfin, je ne dis pas qu'il faut en tirer des conclusions absolues ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qu'on doit avoir en tête. D'accord, donc vous excluez pas qu'on retourne la table via les élections. Alors, aujourd'hui, ça paraît, comme vous dites, ça paraît un peu hallucinant. Mais dans l'absolu, en voyant un peu le temps long, en laissant un peu les choses mûrir, je pense que ce n'est pas des choses impossibles. Qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans quel état on sera, etc. Donc il ne faut jamais dire jamais, en fait. Il faut être très réaliste. Et là-dessus, comme disait Charles Maurras, par tous les moyens, même légaux. Voilà, c'est ça en résumé. Nous vivons en République de Weimar, donc vous savez, après la République de Weimar, il peut se passer des choses, hein. Weimar sur scène. Très bien, mais écoutez, la discussion pourra continuer dans vos foyers. Nous, on va s'arrêter là. Je remercie beaucoup, monsieur l'abbé Dutaille, d'avoir participé à cette émission avec nous. Donc, je rappelle que le titre du livre s'appelle « National-socialisme et catholicisme, l'impossible conciliation pour l'interrogation », qui est disponible aux éditions Saint-Barthélemy. On mettra le lien en description. Le livre fait 270 pages et il est à 20 € et à 5 € frais de port. Voilà. Merci monsieur l'abbé, on vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir consacré un peu de votre temps pour nous parler de ce livre. Merci beaucoup. Merci monsieur l'abbé. Merci monsieur l'abbé. Eh bien, je vous propose une petite pause musicale très originale et on se retrouve dans 2-3 minutes. A tout de suite. Jusqu'au samedi, occupé à lécher des pieds, pas facile d'être un goy soumis. S'il est des pompes, faire briller avec la langue, lui dit le rabbi Salomon. Va encore, j'y fais si Damien retouche les bougies. Assis debout, les fois couchés, le rabbi donne les consignes. Damien ne lève pas son nez, ce n'est qu'un goy. Il n'est pas dit le rabbi demande à boyer. Damien le fait tel une victime, visitage amplifié. Il a fallu qu'il porte un signe. Matin sur Ivanka, Damien doit réciter sa son. Il a juste sa petite cravate pour Israël. Rien n'est trop bon à genoux. Mets-toi à quatre pattes et toi à jouer du violon. Faut attendrir le goy de droit qu'on mieux lui voler son pognon. Occupé du vendredi jusqu'au samedi, occupé à lécher des pieds, pas facile d'être un goy soumis. Sur les pompes, les faire briller avec la langue, lui dire rabbi Salomon. Va encore gifler si Damien retouche les bougies. Dans le Talmud, il a appris qu'il valait moins qu'un pharisien. Pas de bar mitzvah, pas circoncis, il manquerait plus qu'il soit chrétien. Et l'échiva décide pour lui, son opinion ne compte pour rien. Damien a droit à un biscuit, à s'y coucher, c'est bien mon chien. Pas juif, tu dois te taire, c'est ça la règle à la télé. Si tu veux vraiment faire carrière, porte une qui passe, ça va t'aider. T'es de corvée pour la lumière, le boss de l'électricité. Chabat, ouais, c'est un enfer, et frappe Damien pour s'amuser. Damien, il est occupé du vendredi jusqu'au samedi. Occupé à lécher des pieds, pas facile d'être un boy soumis. Il est pour faire briller avec la langue, lui dire rabbi Salomon. Va encore gifler si Damien retouche les bougies. Nous devons soutenir Israël comme avant-poste de l'Occident face à ceux qui veulent nous remplacer, nous dominer ou nous détruire. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Si l'Occident tombe, c'est l'Europe qui tombe. Si l'Europe tombe, c'est la France qui tombera aussi.